bon dimanche soir tout le monde. Il est 22h13, on est en direct, c'est Marion et Anne Soul Night Show. Et on n'a même pas fait un bisou à notre grand patron qu'on a vu cet après-midi, là, qui nous écoute sûrement, c'est Tristan qui était à la Danone Nation Cup. Mais quel lèche-fion celle-là. Adorable. Non mais il est venu avec tous ses enfants. C'est et vrai. Il est trop mignon parce qu'on va, on fait un petit truc sur scène et tout. Direct il nous envoie genre vous crevez l'écran et tout alors que rien du tout. Genre, on arrive comme ça. Il est hyper mignon, il y avait sa femme aussi qui était très cool. Ouais. Voilà, adorable. On embrasse toute cette famille. Ouais, voilà. Moi, j'ai bien kiffé en tout cas. Ah oui, Amir. Amir, il a eu un petit souci. Bon. Amir, il a eu un problème de voiture, il n'a pas pu venir. Ouais. Enfin, il nous a déposé, Amir, et comme il n'y avait plus de place au parking, personne ne voulait le laisser rentrer. Et personne ne le croyait. Il disait, mais je bosse pour l'événement. Et tout le monde lui disait, ouais, c'est ça, dégage. Donc, du coup, il nous a envoyé un texte en disant, ouais, c'est bon, moi, je suis là à la radio. Ouais, mec, il se fout de ma gueule. Il m'a dit, le mec, il m'a dit, il n'y a plus de place. Il m'a dit, sinon, je te fais rentrer. Il reste une place, mais c'est payant. Je lui ai dit, mais je vais pas payer, je travaille pour l'événement. Et il m'a dit, les keufs sont venus, ils m'ont dit, écoute, t'as deux minutes, tu dégages. Et voilà. Ouais. Voilà. En tout cas, t'as bien réussi à t'imposer. Évidemment, on embrasse la police. On vous en veut pas du tout. Allez, on va faire un truc pas moral du tout, mais on aime bien. On est avec Théo de Caen. Bonsoir Théo. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Salut à toi. Ça va Théo? Très très bien, et vous? Oui, très bien. Alors explique à la France, qu'est-ce qui t'arrive? Bah en fait, moi j'ai un gros souci en fait. Demain, je suis censé avoir un DS de maths, sauf que j'ai strictement rien foutu. C'est une catastrophe et je sais que je vais me planter magistralement. Et du coup, je vais faire un truc vraiment pas top, mais là, j'ai pas le choix, je vais pas y aller. Mais pour ça, il me faut une excuse, je sais vraiment pas quoi trouver de crédible, quoi. Mm-hmm. Bon. Poto, c'est pas bien, tu le sais, on conseille jamais ça. Faut toujours assumer, faut y aller, faut pas sécher. Tant pis, vous ratez. Mais là, parce que c'est toi, parce que c'est dimanche soir et parce que c'est bientôt les vacances, rien à voir, on va t'aider. On va trouver une excuse pour toi là, bouge pas. 01 42 48 5000, si vous avez des excuses crédibles qui fonctionnent ou même marrantes qui fonctionnent pas, on prend, on se marre ensemble. Et j'ai un petit jeu pour vous, l'équipe. Ouais. Ah oui, Amir, t'auras le droit de jouer, t'inquiète pas, je te vire pas. Bougez pas, on revient tout de suite. Votre téléphone commence à fatiguer. Vous voulez le nouvel iPhone 7? La seule solution, écoutez Fun Radio. Dès que vous entendez le double fun, avec les tubes de Sound of Legend et Sac Noël, mixés à la suite. Soyez le plus rapide, appelez Fun Radio, 3228. Et vous gagnez votre iPhone 7. Vous êtes les meilleurs! C'est le double fun, sur Fun Radio. Elle est pas belle, la vie? 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute, plus prix d'un appel. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes, du niveau brevet à Bac plus 5, dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toute-une-armée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. Du dimanche au jeudi, de 22h à minuit, Marion et Anso. Le Night Show. Sur Fun Radio. Oui, Marion, Anso et toute l'équipe, là, on est là pour vous jusqu'à minuit en direct, comme chaque soir. Et là, on doit venir en aide à Théo. Théo, c'est pas cool, il a pas du tout révisé pour son DM de maths demain. C'est un peu la merde, du coup, il veut pas aller en cours. Donc nous, on lui a dit, comme des personnes responsables, comme des grandes sœurs, c'est pas bien, Théo. Est-ce que vraiment, si t'y vas, tu penses que tu vas pas t'en sortir du tout, genre même pas sortir un petit 10, quoi? Ah, ça va être une catastrophe magistrale, c'est un truc sur un gros mot du style les fonctions, tu vois, et ça va être horrible. Mais Théo, sinon, t'as toute la nuit pour réviser? Ouais, mais là, je le sens vraiment pas, tu vois. Enfin. Alors, est-ce que tu as déjà séché ou jamais? Ah oui, si, ça m'est déjà arrivé, sur des DS comme ça, bof, hein, ça m'arrive très rarement, quoi. Non, mais là, depuis le début de l'année, t'es allé en cours tous les jours? Non, il y a des fois où j'ai séché, bien sûr. Ouais, bah dis donc. Non, belle mentalité, Théo. Franchement, Théo, ça craint vraiment. Si tu peux y aller, quand même, fais-le. Après, on va te donner des excuses. T'en feras ce que tu veux, mais nous, on te conseille pas. Hein. Ça marche. Bah, je note, mais on verra, hein, parce que ça va être compliqué. Je vous jure que ça va être compliqué. Alors, moi, j'en avais bien une, mais ça marche que pour les filles. Hein. C'est la fameuse « j'ai mes règles, j'ai trop mal au ventre, impossible de bouger », parce que c'est la vérité. Quand ça nous tombe dessus, nous, les filles, c'est très chaud. Hein. Impossible de bouger du lit. Et parfois, on est obligé de sécher. Et vous, les mecs, là, vous pensez toujours que c'est du blabla, mais en fait, non. Quoi, Amir? Ça me dégoûte, moi, les règles, tout ça, ça me dégoûte vraiment. Bah, ça va, en même temps, c'est naturel, Amir. T'es grave? Non, tu sais, ce qui me dégoûte le plus, c'est dans les pubs, là, sur les tampons. Et je sais pas si vous avez vu, mais parfois ils versent un espèce de liquide bleu sur ça va être hygiénique. Vous avez vu cette pub? Oui. En plus, parfois, genre, ils appuient dessus pour que ça coule. Oui, je sais, mais je sais. Moi, par rapport à cette pub, je pensais que finalement, les filles, quand ils avaient leurs règles, ça sortait bleu comme ça. T'es con. Bah ouais. Bah quand même. Non, mais ils vont pas mettre du sang dans les pubs, c'est normal, c'est logique. Non, non mais c'est vrai qu'ils pourraient mettre pas du sang, mais un liquide rouge. Non. Pourquoi, pourquoi faire un leurre? Oui, Yannick. Et c'est le même liquide pour les couches culottes. Oui, c'est, oui vrai. C'est vrai. Mais c'est pareil, ils vont pas mettre de la pisse, les gars, ça serait encore plus choquant, du jaune ou du rouge. Bah c'est dégueulasse. Oui, mais c'est vrai que c'est mentir à la populace. Et des fois, c'est des vieilles avec des couches protectrices. Mais Amir, arrête de dire c'est dégueulasse, c'est la vie, c'est comme ça, les fuites urinaires. Bah, parfois, la vie, c'est pas super. Non, mais les vieilles, c'est parce qu'il y a un problème d'incontinence, de fuite. Bah oui. Mais des fois, est-ce que c'est vrai que genre, elle rigole, il y a des gouttes qui tombent? Bah oui. Mais je sais pas, moi, je ne vis pas ça parce que tu vois, je suis encore jeune. Tu sais ce que je veux dire? Ça va t'arriver un jour. Hein. Ça arrive pas à tout le monde non plus. Ouais, bon, alors effectivement, Théo, tu peux pas dire que t'as tes règles. Hein. Non. Ça va être compliqué. Anne, t'as une idée? Mais moi, en fait, je vais te dire vraiment, j'ai jamais séché parce que j'avais que dans des lycées ou des collèges où ils appelaient tes parents. Donc je pouvais pas sécher. Ouais. Mais la plus grosse excuse, ça reste la gastro. Hein. Ouais, personne veut la choper en plus. Donc tu vois, les gens ils te remercieront de rester chez toi. Dur à simuler vis-à-vis des parents, tu vois. Si tu dois simuler une gastro, autant le mal de ventre ça passe, mais là, faut faire des allers-retours aux toilettes, faut vraiment être pâle, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué, quoi. Surtout la pâleur, ouais, c'est un peu plus compliqué. Bon, Théo, on a de la réaction pour toi au 01 42 48 5000. Visiblement, on est écouté par beaucoup de mythomanes. Ah, il y a Pauline de Grenoble avec nous. Bonsoir, Pauline. Salut l'équipe. Ça va, Popo? Bah bien, faut arrêter que ce surnom, il est Pauline. Ah pourquoi? Ouais, franchement, parce que ouais, c'est horrible. T'aimes pas, ouais. Popo? Ah non. D'accord, bah écoute, en même temps, c'est pas ma faute, hein, c'est mon prénom. C'est quoi ton surnom, Pauline, sinon? Oh là, j'en ai plein, j'ai Maxpo, j'ai Jo. Jo, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est une grande histoire en fait. D'accord. Eh bien, je te propose qu'on en reparle dans une autre émission. Voilà, c'est ça. Alors, sors-nous ta meilleure excuse à toi, c'est quoi? Eh ben, alors, c'est vraiment pas bien, hein, mais le décès dans la famille, ça marche à tous les coups. Hein. Ah non, non, non. Ah ouais. Moi, alors ça, tu sais quoi, moi, j'ai l'impression que ça porte la poisse. Ça, c'est pas bon pour le karma. Bah, hein. Je sais, mais... Ah ouais, t'annonces un décès dans la famille. Mais ça marche à tous les coups, hein. Ouais, mais en général, t'es obligé de choisir un grand-parent parce que le parent, c'est trop gros et voilà, tu peux pas y retourner encore le lendemain. Non, le cousin... Ouais. Ouais, mais non, c'est pas bien, ça. J'aime pas du tout, ouais. Moi. Ouais, moi non plus. J'aimerais pas qu'on m'annonce morte, imagine, moi, si j'ai des petits-enfants un jour et qu'ils font ça, je me sentirais trop mal, trop salie, trop utilisée. Mais non, mais surtout que moi, quand ça m'est arrivé quand j'étais au lycée, t'es obligée d'apporter un certificat de décès. Ouais. Donc tu vas pas faker le truc jusqu'au bout. Ah, bah, ça, c'est pour les lycées. Mais Thibault, là, hein, qui nous met la marche funèbre derrière. Parce qu'il a entendu l'ambiance. Le mot mort. Ouais, j'adore. Bah écoute, non, celle-là, on la prend pas parce que c'est pas respectueux. Bon, bah, mais c'est bien tenté. Merci. Bah, voilà. On t'embrasse, Joe, Popo, qui tu sois. Oui. Ouais. J'adore les massages. Hein. Tu veux, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, pas mal, ça m'intéresse. J'adore masser. Ok, je vais dire ça à ma meuf, t'inquiète. On t'embrasse, Pauline. Bisous. L'équipe, j'ai un petit jeu pour vous. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, vraiment, je suis chaud là. Ouais. Je vais vous sortir les pires excuses. Vous allez me dire très honnêtement, devant la France, si vous les avez déjà sorties ou pas. Ça ne concerne pas que les cours. Okay. Le boulot aussi, les relations, tout ça. Ok. Désolée, je me suis pas réveillée, mon réveil n'a pas sonné. Ouais, bah oui. Tout le monde, ça, hein? Non. Classique. Ah non, toi jamais, Anso? Non, jamais. Je rate jamais un réveil. J'ai eu une coupure d'électricité. Bah, à quel moment ça marche, ça? Eh bah, si, moi, ça m'est déjà arrivé parce que, en fait, du coup, quand l'électricité se coupe, ton réveil se coupe aussi. Et moi, à l'époque, j'avais pas l'iPhone, tout ça. Et du coup, bah là, pas de réveil, vraiment. Ah ouais, ça peut marcher. Maintenant, ça marche plus, mais ouais, ça marche. Désolée, je suis fatiguée, on couchera ensemble demain, en couple. Parce que vous avez déjà dit ça comme excuse. Ouais. Bah, ouais. Ah oui. Je trouve ça vexant, moi. Bah, c'est-à-dire non, que quelqu'un, parce que normalement, si t'es vraiment amoureux, la fatigue, ça passe après, quoi. Mais non, c'est pas ça, c'est que tu peux être très amoureux, mais comme t'es en couple depuis longtemps, tu peux remettre ça au lendemain parce que t'es vraiment fatigué. Tu le dis pas comme ça, je sais pas, j'aime pas cette excuse. Bon, bah d'accord. Il y avait une grève des trains pour pas aller au boulot, ouais. Oui, déjà fait. Mais ça se vérifie facilement, ça le problème. C'est-à-dire que moi, on avait des stagiaires qui nous disaient, c'était peut-être Enzo d'ailleurs, à l'époque, ouais, il y avait grève du RER et tout. Et en fait, sauf qu'on allait voir sur les sites, mais il y avait rien. Non. Nada, c'était pas toi. Prenais jamais le RER, moi. Le métro alors? Ouais, le métro. Peut-être. Oui, Thibaut. Non, moi je faisais cette excuse quand j'étais au collège, sauf que j'habitais en pleine campagne, il y avait la première gare, elle était à 100 bornes. Donc forcément, les profs me croyaient pas et ça marchait pas, quoi. Bah oui, mais bon, lui. Je me suis fait chier dessus par un pigeon, j'ai dû retourner me changer. Ah non. Jamais, mais ça peut. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, j'aime bien. Oui, Enzo. Moi, j'ai déjà, quand j'étais petit, je m'étais fait caca dessus. Et du coup, j'ai dû rentrer chez moi me changer. Et le prof, il m'a pas cru, il pensait que c'était une farce, mais pas du tout. Et t'as fait quel âge ? Je devais avoir 6 ans, un truc comme ça. Mais comment t'as fait ? Bah, j'étais un petit peu en diarrhée, tout ça. Et... J'étais un petit peu en diarrhée. Voilà, et du coup, bah, mon prof, il m'a pas cru. J'adore. Mon chien courait après mon chat et moi je courais après mon chien, ça a duré longtemps. Je trouve ça pas mal. C'est très drôle. Faut être culotté quoi. Je peux pas en manger, je suis allergique quand vous êtes invité à dîner et que ça a l'air pas bon. Ah oui, oui, oui, ça m'est arrivé. Oui. Mais toi, Amir, c'est même pas une excuse parce que t'es allergique à tout, bichon. Moi, j'avais vécu un truc horrible. J'étais invité par une famille, par la famille de ma copine avant et bah, ils avaient fait du porc et du melon. Parce que je suis allergique au melon et je mange pas de porc. Ah ouais, merde. C'est l'intention qui te régale, disons. Oh bah oui. Mais il est allergique à tout, le gars, aux avocats, aux crustacés, la totale. Ah, tu sais, on choisit pas les allergies. Hein. C'est vrai. Désolé du retard, j'ai sauvé quelqu'un sur la route. Ouais, ah, c'est déjà fait ça. Attends, vous l'avez déjà fait, vous ? Ouais. Non. Bah non. Mais ça, c'est pareil, le karma, vous servez d'un truc génial que vous n'avez pas fait, vous n'avez pas honte. Ouais, mais après, bah tu connais pas la personne, c'est pas pareil. Ouais. Non, mais ça, c'est le genre de truc que tu fais pour un premier rencard où t'as pas le choix d'être à l'heure, tu vois. Il faut trouver un gros mytho qui tient la route, tu passes pour un beau gosse, tu t'as sauvé une personne et puis c'est bon. Moi, j'étais pas crédible. Attends, ouais. Un mec me dit ça, je lui dis, bah gars, non. Est-ce que vous avez déjà dit celle-là ? Papa, maman, les gars, désolé, je ressens comme une envie de m'isoler. Ouais. Je ressens comme une envie de j'aime bien. Elle est très bonne celle-là. Ça passe. Ça marche. Ah, celle-là, je suis sûre que tout le monde l'a déjà utilisée. Désolé, je me suis épilé les sourcils, ça m'a pris beaucoup de temps. Ah ouais. Amir, bon, je vous emmerde. Il m'étonne. Vous pensez que. Vas-y. Oh, ça va, bébé. Il faut lâcher les vannes avec mes sourcils. Oui. Théo, toi, t'as pas les sourcils aussi protubérants que Amir ? Non, ça va, j'ai pas ce genre de problème. Bon, alors c'est pas un problème. C'est quoi ça, Théo ? Théo, il y a encore du monde pour toi. Il y a Valentin à Boulogne. Il y a aussi Louis sur Facebook qui dit : je suis dans son cas, moi, mes parents croient en ce moment que j'ai une otite. Ah, bien con à faker l'otite. Oui. Tu vois ? Bah après, en soi, c'est pas forcément mes parents de qui je vais devoir me justifier. C'est plus du bahut, tu vois. Mes parents, je pense qu'ils le sauront même pas que je sois en cours ou que je n'y sois pas. C'est plus vraiment le bahut. Bah, tes parents ils te surveillent pas ou quoi ? C'est bizarre ça. Bah si, mais la journée ils bossent, donc ils le sauront pas parce que c'est un bail où ils envoient pas de. Moi ils ça. Pas de message, tu sais, je joue le jeu, hein, je te donne des excuses, mais je t'assure ça m'est mal à l'aise de te conseiller tout ça parce que franchement j'ai envie que t'y ailles à ce DS là. C'est pas grave, au pire tu te plantes. Et ben ça t'apprendra, mais sécher comme ça, ça me met mal à l'aise. Et souvent moi quand j'avais des contrôles comme ça, Théo, et que j'étais plus jeune et que j'y allais sans confiance. Et ben j'avais des mauvaises notes. Non mais c'est vrai, parfois tu vas, t'as rien à perdre. De toute façon, tu sais que tu vas te planter, du coup t'as moins de pression. Et bah voilà. Ouais. Et autant pas y aller. C'est pas faux. C'est pas faux. Il y a Valentin à Boulogne aussi avec nous. Bonsoir Valentin. Bonsoir Marion, bonsoir à toi, bonsoir toute l'équipe. Bonsoir à toi. Ça va Valentin ? Oui, ça va. Alors dis-nous, t'as quelle excuse à proposer toi ? Moi la mienne elle est un peu nulle, mais bon ça passe. T'en as d'autres, mais c'est tu peux dire aussi que mon cochon chien, t'en as un. À bouffer ou à pisser sur tes chaussures ou... voilà. Ouais, mais alors je suis désolée, dans ces cas-là tu prends une autre paire de chaussures, ça marche pas du tout. Oui, bah tu dis qu'il a pissé ou chié sur l'autre et qu'il a bouffé les autres. Oui, d'accord, donc le chien a tout fait quoi. Surtout faut aller faire piquer cette pauvre bête, c'est pas bien. Oui, Enzo. Mais c'est vrai que des fois tu peux perdre ton temps en cherchant tes affaires. Typiquement, tu perds ton portefeuille, tu l'as oublié chez toi, tu cherches partout où est-ce qu'il est, et souvent ça m'arrive ça. Bah oui, mais les profs ils s'en foutent si tu dis ça, tu vois. Mais oui, Théo il peut pas dire je suis en retard parce que je cherchais mon portefeuille, c'est pas possible. Il a perdu son cahier de maths, il cherche partout dès le matin, tac, il trouve pas, il est en retard. Ouais, mais c'est compliqué parce qu'en général tu y vas sans le cahier quoi, les profs ils acceptent pas. Franchement, la seule chose qui passe c'est l'événement personnel grave ou la maladie hein, chez les profs. Ouais, c'est vrai. Oui, Yannick. Il peut aussi. Tu peux dire aussi que ta soeur malade, t'as dû aller la chercher à l'école et que ta mère pouvait pas parce qu'elle était au boulot. Pas bête. Ouais, c'est pas bête ça, Valentin. Ouais, c'est pas mal. Si t'as une sœur, c'est pas bête. Oui, Yannick, dis-nous. Il peut aussi commencer à aller en cours et 10 minutes de cours et là il dit oula, je me sens pas bien, infirmerie et il s'est alors, il faut être bon comédien. Pourquoi pas, mais jouer le malaise en cours. Mais surtout qu'en plus, les profs, ils sont pas dupes. Hein. C'est-à-dire qu'on leur a fait ce coup-là des paquets de fois. Donc si t'es pas un peu bon, c'est foutu. Hein. Mais tu vois, le coup de la sœur, j'aime bien. Mais pareil, le karma, quoi. Si tu dis la sœur, elle a un problème, elle est à l'hôpital. Et moi, j'oserais jamais dire ça sur mon frère. J'en ai non, peur. Non hein. Plus. Oui, Enzo. Si je peux donner une astuce, vous prenez de l'encre rouge, vous en mettiez dans votre bouche comme ça. Vous dites, ah putain, je me suis cassé une dent. Mais ça va et pas. Et du coup, tu peux partir comme ça de ta classe. Mais c'est toxique. Mais sinon, il y a des trucs qui font genre du sang. Non, oui, mais j'ai toujours fait ça. Attendez, ils vont pas aller dans des boutiques d'effets spéciaux pour acheter du faux sang. Non. Le gars va arriver redécoré en zombie en disant je me sens pas très bien, les gars. Il a un masque. Mais surtout, sans déconner, je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais faut pas le faire. Non. Arrêtez de trouver des excuses là. Non, mais Tout le monde en trouve des excuses en vrai. Oui, je sais, mais voilà, on le fait une fois dans sa vie, mais il a déjà séché tellement de fois, Théo. Amir, est-ce qu'on a du monde sur les réseaux sociaux? Ouais, sur Facebook, Marion Enso et Elodie qui dit la gastro, il n'y a rien de mieux. Brandon, tu fais comme Wiz, tu cloues ta chaussure sans transpercer ton pied et tu donnes un putain de coup de batte dans le tibia. Mais ça va pas la tête, ça va pas, non? Ils sont malades. Nicolas, pour être malade, il faut mettre de la cendre de cigarette dans le café. J'ai vu un message sur Facebook aussi comme Mais attendez, là vous tombez vraiment malade si vous faites ça. Mais évidemment. Quelle idée. Dylan le pousse sous l'eau froide et il tape dessus avec une cuillère pendant 5 minutes. Excusez-moi, des excuses. Le pouce va gonfler. Comme s'il était pété, mais en fait, il n'y a rien. Mais vous êtes grave, les gars. Faut pas vous faire du mal comme ça. Non, mais c'est surtout... C'est pas ça, c'est que... Quel gars a inventé ça? Mais oui. J'ai trouvé une super astuce. Enfin, c'est quand même bizarre, non? T'en as d'autres ou pas? Ouais, mais je peux pas les lire, c'est trop hardcore. Ah non, mais arrêtez, nous, on veut des petites excuses gentilles, pas des trucs comme ça, enfin. Bon, Valentin, en tout cas, merci de nous avoir appelé, mon cher, on t'envoie pas que Fun Radio. Je peux en dire une dernière ou pas? Oui. Ouais, mais si, elle est pas trop violente. Non, bah en fait, tu t'as qu'à faire croire aussi que tu es tombé en trotte ou en skate ou en truc comme ça. Ouais, et mais voilà. Pareil, après, il faut arriver limite en boitant, quoi. Bah là, tu déchires un peu ton jean. Ouais. Ouais, voilà. Ou alors sinon, tu utilises un bleu que tu t'es fait la veille ou un truc comme ça. Ou tu dis que t'es enfermé chez toi. Ouais. Bah c'est pas bête, c'est ça que tu proposais toi Thibaut. Ouais, en fait il faut que tu dises genre que ta mère elle est partie en fermant l'appartement et genre que t'es bloqué chez toi, tu peux rien faire. Ça c'est vraiment pas mal du tout. Hein. Déjà fait. Ouais, c'est pas bête ça. Marche bien. Puis là, tu vois, il n'y a pas de délire de karma et tout. Au pire, si ça t'arrive, tant pis. Mais il n'y a pas un truc, il n'y a pas de décès de gens, quoi. Hein. Ouais, c'est pas mauvais du tout, ça. Ouais. Ok, ouais. Tu notes tout ça, Théo? Ouais, j'ai tout noté. Mais non, on lui a dit de pas le faire. Mon pote, si tu peux y aller quand même, prends ton courage à deux mains. Ouais. Vas-y, franchement, c'est mieux. Je peux faire ce soir, mais. Théo, sois un bonhomme, là. Ouais. Au pire, 1-0, c'est rien, c'est pas grave. Et puis, au pire, là, t'as encore 7 heures devant toi pour réviser. Bah voilà, petite nuit blanche, c'est arrivé à tout le monde, il faut le faire. En revanche, Théo, tu écoutes le night show jusqu'à minuit, après tu révises. Hein, voilà, pas pendant le night show. C'était prévu, ça. Bon, ça marche. Beau gosse. Bon, Théo, tu nous tiens au courant, mais sois un bonhomme, on a confiance en toi. Ça marche, merci beaucoup. On s'embrasse. Bisous. Est-ce que Pépère, il a déjà utilisé une excuse pour se sortir d'une situation ou pas? Bah Pépère, quand il veut pas faire l'amour à ma mère, il lui dit je peux pas, j'ai poney. Ah, tu fais de l'équitation toi Pépère? Bah, non, Pépère, il aime bien déboîter des juments, il les encule sales, hein. Oh ah, oui. Hashtag protection des n'est pas cautionné par l'équipe du Night Show. Hashtag quoi? T'as dit quoi? Hashtag défense des animaux, bien d'accord, sûr. D'accord, mais mec. Enfin, non, pas défense, défonce. Ouais. Bon, allez, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. C'est le Wesh C'est qui débarque. Si vous voulez vous inscrire pour tous les jeux du Night Show, d'ailleurs, vous êtes très nombreux à nous envoyer des mails. Marion et anne-soir@funradio.fr avec vos coordonnées. Et pour le son, c'est Arizona et Robin Schulz sur Fun Radio. Oh, I can see the doubt in those eyes. Even though you try to hide it. There's not much to figure out, 'cause I know why. And I won't try to fight it, try to fight it. And I'll be the first to tell you, you were right. Oh, you were right, oh, you were right. Won't try to say I'm sorry this time. But I want you to know that I was wrong. I know I just wanna say that I was wrong. I know. Oh, I want you to know that I was wrong. I know. I just wanna say that I was wrong. I know. It used to be so warm. Those days I try not to remember. I got lost in the storm of my ways. Couldn't pull myself together, And I'll be the first to tell you, you were right. Oh, you were right, oh, you were right. Don't try to say I'm sorry this time. But I want you to know that I was wrong. I want you to know that I was wrong. I know. And I just wanna say that I was wrong. Fun Radio, c'est Marion et Anso, le Night Show. Le Night Show, c'est quoi? Bah, c'est aussi pas mal d'invités. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos de nos invités sur notre chaîne YouTube Marion et Anso. On a eu du Kinvé, on a eu quoi d'autre? On a eu plein de choses. Ouais, des youtubeurs. Ilyes Jadel, hyper cool. Ouais, vraiment, allez voir les vidéos. Et demain, dans le Night Show, on va recevoir Dylan Del Rey, le youtubeur. On le reçoit souvent dans l'émission. C'est un peu un poteau et ça va être cool, je pense. Grave. Donc, si vous voulez lui poser des questions, participez à l'émission 01 42 48 5000. Marion et Anso, @funradio.fr. Enfin, tout ce qui est principe de communication. Quoi, hein. Wesh, c'est qui? Wesh, c'est qui? Et en parlant d'invité, Anso, prépare-toi, puisque bientôt c'est Amir qui va débarquer, le chanteur, je parle. Ah, mais je suis prête, j'ai déjà pris rendez-vous chez le coiffeur et chez l'esthéticienne. Ce sera le 25 et la meuf est au taquet, on l'adore, Amir. À chaque fois qu'il vient, c'est un pur moment de bonheur et de drague. Bon, les amis, les Wesh, c'est qui? C'est très simple, ça vous permet aujourd'hui de gagner votre PS4. C'est bon, ça, à l'approche de Noël. Il suffit de faire deviner 4 stars sur une liste de 6 à papa ou maman. Et aujourd'hui, pour jouer, on a. On a Charles. Charles, il appelle de Bernier-sur-Seine. Bonsoir, Charles. Oui. Ça va, Charles? Ouais. Alors, Bernier-sur-Seine, où c'est ça? C'est en Normandie. D'accord. Ok. Tout ce qui est plage du débarquement. T'as quel âge, Charles? J'ai 13 ans. T'as 13 ans, d'accord. On joue avec qui ce soir? Avec mon père. Ok. Ton père, tu as une idée de son âge ou pas? Il a 55 ans. Mm-hmm. Et il s'appelle comment? Grégoire. Oh, papa Grégoire. Sympa, ça fait jeune. Il a un prénom plus jeune que le tien, c'est marrant. C'est le truc inversé. Oh, la garce. Oh, bon, ça va. Charles, est-ce que tu es prêt à noter les 6 stars à faire découvrir à papa? Oui, oui. Bon, la première est pas forcément facile à prononcer, mais il connaît forcément, c'est le créateur de Facebook, c'est Mark Zuckerberg. Ok. La deuxième, c'est Madonna. Madonna. Après, on a Hermione, le personnage de Harry Potter. Oula, ça va être dur. Elle connaît pas. Elle me saoule, Hermione. Moi, elle a tout le temps tout fait, tout vu, tout entendu. Oh, oh, j'aime bien, moi. Oh, elle sait tout sur tout, là. Elle m'agace. Le quatrième, ce sera Zinedine Zidane. Facile, papa, Zinedine ça. Zinedine Zidane. Ouais, connaît forcément. On aura Kinvé aussi, le chanteur. D'accord. Le mec, tu précises, parce que c'est vrai qu'on a aussi un Kinvé très connu acteur. Et puis, Charles, il y aura Cyril Lignac. Connaisse. Cyril Lignac. Je connais pas, moi. Si, alors c'est un cuisinier très célèbre qui a surtout œuvré sur M6, Top Chef, tout ça. Cyril Lignac. Il est accessoirement le compagnon de Sophie Marceau aussi. Et Yannick du Standard l'imite très bien, Yannick. Imite un peu Cyril Lignac. C'est croquant, c'est gourmand. Voilà. C'est surtout le moment le plus triste de la carrière de Yannick. Alors, Charles, si tu veux imiter Cyril, c'est effectivement c'est croquant et c'est gourmand avec un accent du Sud que je ne sais pas faire, ok? D'accord. Allez, c'est parti, Charles, on va récupérer papa. Grégoire, oui. Bonsoir. Bonsoir, c'est Anso ou Marion? Oh bah vous avez les deux pour le prix d'une là, Grégoire. Hein. C'est formidable. Alors là c'est Marion qui vous parle et la petite blonde Marion. C'est Anso. Bonsoir Grégoire. Et salut. Alors Grégoire, est-ce que Charles vous a bien expliqué le principe du jeu? Ouais, il m'a bien expliqué. Bon, c'est parfait. Je vous rappelle que si vous avez un doute, si vous ne savez pas, vous passez. Allez. D'accord? Ok. Il vous faut 4 bonnes réponses, donc concentrez-vous. Et Charles, il peut vraiment vous donner tous les indices qu'il veut là pour vous faire gagner. Et je rappelle évidemment aux auditeurs qui nous écoutent que papa Grégoire était en ligne avec Yannick, le standardiste, pour ne pas entendre la liste, sinon ce serait trop simple. Mais évidemment, alors les garçons. C'est dommage en même temps. Bah oui. C'est dommage. Bon, les garçons, est-ce que vous êtes prêts? Attention, ne panique pas. Oui. Allez. Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, vas-y, je t'écoute, Charles. Oui, c'est qui? C'est le créateur de Facebook. Je passe. C'est une chanteuse blonde des années 80, très connue. Sylvie Vartan. Like a Virgin. Non. Ah, Madonna. Oui, Madonna. Oui, Madonna. Okay, ensuite. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. C'est la fille rousse dans... Harry Potter. Je passe. C'est un chanteur chanson que t'aimes pas qui finit par V. J'aimerais trop qu'elle m'aime, Mademoiselle Valérie. Ah, je sais plus les noms. Son vrai prénom, c'est Kevin. Non, alors je passe aussi. Vite, passe au foot, passe au foot, Charles. Oui, vas-y, vas-y. Dépêche-toi, Charles. Ton bébé, il panique. Oh là là, les petits chats. Oh, il a paniqué. Bon, et Charles, il faut dire quand même que papa, il a quand même beaucoup passé. Puis alors, c'est une chanteuse blonde très connue, Sylvie Vartan. Grégoire, si je puis me permettre, vous avez quand même des références de Yeuve. Mais non, mais elle met des perruques, c'est pour ça. Bon, bon. Alors, on va essayer de se les faire ensemble. Madonna, c'était bon. Le créateur de Facebook, c'est Mark Zuckerberg. Ah oui, oui, oui. Okay. Harry Potter, c'était Hermione. Hermione, bien sûr. Le chanteur qui finit par V, c'est Kinvé. D'accord. Et après, alors les autres, je pense que vous auriez trouvé, il y avait Zinedine Zidane et Cyril Lignac à trouver. Ah oui, bah c'est bon, je les ai. Je vous adore. Il est trop bon, Grégoire. Bon, Poto, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te faire rejouer avec papa d'ici 15 jours, 3 semaines, parce que je vous adore et j'ai envie que vous puissiez gagner là. Ah, ça c'est d'accord. Cool. D'accord. Ok, Charles. Donc on progresse. Charles, Charlie. Voilà, donc c'est cool. Bon. Si on rejoue, c'est top. Voilà, vous vous entraînez un peu, vous essayez de prendre confiance, tout ça. Charles, il faut y aller, là, tu t'entraînes à fond et puis dans 3 semaines, d'accord, on joue ensemble, c'est promis. Ok, les gars. Ok, okay, okay, c'est cool. Allez, on vous embrasse très fort tous les deux. Au revoir. Bisous. Le Wesh C'est Qui revient mercredi soir. C'est beau quand même, on vous offre vos PS4 toutes les semaines, ça fait plaisir. Et dans un instant, nouvelle session de Tu Préfères. Ouais. Le Tu Préfères, c'est le choix entre deux trucs en général un peu dégueulasses. On aime bien faire ça dans le night show et avec vous surtout. Par exemple, tu préfères papa ou maman. Voilà, donc si vous avez des Tu Préfères à nous soumettre, 01 42 48 5000. On en parle juste après Tove Lo sur Fun Radio. Et elle, c'est elle que je préfère. You can run free, I won't hold it against you. You do your thing, never wanted a future. Fuck if I knew how to put it romantic. Speaking my truth, there's no need to panic. No, let's not put a label on it. Let's keep it fun. We don't put a label on it, so we can run free. Yeah, I wanna be free like you. Said you were fine, so for whatever reason. Sure, we can chill, try and keep it platonic. Now you can tell if I'm really ironic. No, let's not put a label on it. Let's keep it fun. Je vous raconte ce qui s'est passé jeudi soir, puisque jeudi nous sommes sortis avec l'équipe. Ouais. On est allé dans une boîte pas très loin de la radio. Ouais. Je sais pas si on peut la citer, ça s'appelle comment? Le Hobo. Le Hobo, ouais. Bon, bref, on est allé là-bas pour boire un verre pour l'anniversaire de notre graphiste Alexis, graphiste. Et du coup, à la sortie, en fait, dans la boîte, il y avait Marvin de Secret Story avec sa copine Maëva. Mmh. Si vous suivez, voilà, Marvin, il s'est fait exclure il y a quelques semaines. Et là, Béric, notre auteur, qui nous affiche, mais comme jamais. Donc les gars de Secret sortent, et lui il dit « Dis donc, vous êtes pas le gars de Secret Story? Donc nous on dit bah mec calme-toi, on s'en fout, on n'est pas des groupies. Et donc le mec dit ouais c'est moi, ouais, genre on est des bouffons, et il trace. Ouais, c'était hyper gênant. Voilà. Mais de toute façon, j'ai eu que des instants gênants parce que moi j'ai croisé un mec dans la soirée à un moment qui me chope le bras et qui me dit hey, Anso, mais qu'est-ce que tu fous là? Je suis incapable, encore aujourd'hui, de savoir qui est cette personne. Et il t'a fait un petit bisou en plus, non? Ouais. Oui, il m'a embrassé, mais même genre sur le bord de la bouche. Et il me dit ah, mais c'est trop cool de te voir. Et je lui dis bah ouais, ça fait un bail et impossible de savoir qui c'est. En tout cas, on a passé une pure soirée, c'était archi cool. Merci à eux et franchement, c'était sympa. Mais alors, Béric, plus jamais tu nous fiches ça comme ça. Hein. Si c'est pas le genre de gars que t'emmènes au festival de Cannes ou à une cérémonie. Quoi. Bah ouais, dès qu'il voit une star, il en peut plus. Ah l'enfer. Oh la honte. Bon, en tout cas, avec l'équipe, on avait envie de se refaire une session si tu préfères ce soir. Ouais. Alors, en gros, le principe est très simple. Vous jouez ça, à mon avis, au bahut partout. En gros, vous proposez deux solutions, deux options à quelqu'un. Il doit absolument choisir une. Il n'a pas le choix. Il n'y a pas de joker, il n'y a pas de veto. Je vais en faire un à Anso. Est-ce que tu es prête? Vas-y. Anso. Ouais. Est-ce que tu préfères être riche, mais genre très très riche, sans aucun ami, ou être pauvre, mais alors très pauvre, hein, limite, tu dors dans une voiture, mais entouré de plein d'amis? C'est hyper chaud. Ah, c'est chaud. Mais sois honnête. En même temps, je me dis que si je suis riche, je peux m'acheter des potes du coup. Ah non, t'as personne, tout le monde te déteste. Pas d'amis. Il est horrible. Il est horrible. Par contre, toi, si tu dors dans la voiture, t'es très populaire. Avec Marion, tu peux pas jouer à ce jeu parce qu'à chaque fois, elle te rajoute des trucs. Et c'est juste le tu préfères, tu choisis. Je pense que, de toute façon, je suis pas bien riche, donc je pense que je choisis la pauvreté. T'es sérieuse? Ouais. D'accord. Ouais, je pense que je choisis la pauvreté. Bah, c'est beau. Je peux pas vivre sans amis et sans amour, c'est pas possible. Ok. Toi, je t'en fais un? Vas-y. Marion, est-ce que tu préfères que ton mec soit moche mais qu'il soit généreux ou qu'il soit beau mais qu'il soit la plus grosse pince du monde? Genre, il te paye jamais rien. Et par contre, s'il est très généreux, mais il est vraiment moche. Genre Enzo sans la beauté, quoi. Non, honnêtement, je suis très honnête, la grosse pince, je peux pas. Le côté radin, moi, ça m'angoisse. Je supporte pas ça, donc je choisis le moche généreux. Excuse-moi, sans aucune hésitation. Est-ce qu'on serait pas des meufs intègres? Bah oui, mais en même temps, c'est compliqué les autres choix qu'on a. C'est ça. Pas facile. Bon. Appelez-nous 01 42 48 5000. On fait des tu préfères là tous ensemble. Nous aussi, on va en avoir. Oui. Ouais, vous allez en avoir. Les auditeurs vont nous en donner. Ouais. Préparez-nous des trucs bien hardcore là. Ah, ouais. On veut se marrer. Allez, bougez pas, on revient tout de suite. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance, électro. C'est Fun Radio. WNW. Feder. Calvin Harris. Félix J. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Partout dans le monde sur funradio.fr. This is Lara Croft. Fun Radio présente la Paris Games Week by Coca-Cola. Le salon français du jeu vidéo du 27 au 31 octobre 2016 à Paris Expo, porte de Versailles. Venez découvrir en avant-première avec les jeux vidéo les plus attendus de la fin d'année. À la Paris Games Week, le jeu vidéo fait son show. Avec Fun Radio. Okay. Fun Radio. Le son dance floor. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a spin? Your diamonds, but I'll steal your heart. dimanche au jeudi, 22h minuit, sur Fun Radio. On est en pleine session de Tu préfères. Allez-y, 01 42 48 5000. Ouais. Appelez-nous, mettez-nous au défi. Là, on aime bien et on est obligé de répondre. Qui n'est pas passé dans l'équipe? Amir, moi, tiens. Ouais. Amir, est-ce que tu préfères avoir un troisième sourcil qui te pousse sur le front à vie? Ou avoir des longs poils sur la langue à vie? Sachant que déjà, il est déjà équipé de sourcils anormalement constitués, voilà. Ouais, de naissance. Alors, le troisième sourcil ou les poils sur la langue? Mais genre des longs poils, hein. Genre des cheveux, quoi. Ou le troisième sourcil. Non, genre, tu peux te faire une queue de cheval de langue, mec. Voilà. On a tous déjà eu un cheveu sur la langue un jour. Quand... Bah, non, mais enfin, pas. C'est horrible, il n'y a rien qu'un seul, c'est horrible. Non, mais là, t'es recouverte, ta langue est recouverte. Non, bah attends, il peut pas. Et même pour embrasser et tout, tu prends le sourcil. Mais surtout, c'est pas possible d'avoir des. Oui, bah, bon, ok, dans votre imaginaire. Bon, bah, les troisièmes sourcils. Eh bah oui. Thibaut à l'aréa. Ouais. Oh, le tien, il est gratiné, mon pote. Est-ce que tu préfères manger un bol de crotte de nez ou boire un verre de salive? Yannick, du standard est pas bien. Il tourne de l'œil. Attendez, parce que si vous entendez un relan d'outre-tombe, voilà, dites-vous que c'est Yannick. Alors, sachant que celui que tu choisis, tu devras le faire. Ouais. Oh, le bol de crotte de nez est horrible. Bien sûr, ouais. Alors, la salive avec des bulles et jaunes. Mais à qui ça appartient cette salive? À quelqu'un d'autre, par exemple Enzo. Ou les crottes de nez d'Enzo, comme ça. Ah, ça me dégoûte les crottes de nez. Genre des crottes de nez. Putain, ok, c'est quoi, je prends la salive. Ah ouais. Il a vraiment des relents. Les crottes de nez, c'est, t'as le goût dans la bouche. Ce n'a pas. Ça fait des petites pattes. Attendez, non, excusez-moi. Non, Yannick. Yannick, sors. Il a vomi. Oh, le con. Eh, mais mec, tu peux pas vomir à chaque fois qu'on prononce le mot crotte de nez. Ça me cœur. Oh oui. Bon. Yannick, justement. Alors, il est grave ce mec. Est-ce que tu préfères... Tu lui fais pas un truc dégueu parce que je veux pas le voir vomir. Non. Est-ce que tu préfères être jeté dans une baignoire de scorpion ou être jeté avec plein de coupures dans une baignoire de gros sel? Oh, c'est chaud ça. Tu vois Les coupures. Ah ouais? Moi aussi, mais je crois que c'est ça. Mal, hein. Non, mais ça cicatrise au moins. Ah ouais. Okay. Non, puis même les scorpions, tu sais pas, ils ont des venins. Puis si c'est un méchant scorpion, il peut te faire mal, quoi, tu vois. Enzo, du standard. Ouais. Attention, prépare-toi, mon pote. Allez. Hein. Est-ce que tu préfères te faire insérer des raviolis brûlants dans l'anus toutes les heures ou te faire frapper le sexe avec un marteau toutes les heures? Ah non, le petit cucu qui passe. Ah, les raviolis brûlants? Ouais. Et franchement, ça doit faire mal, hein, toutes les heures, mec. Hein. Ah ouais. Et surtout, j'imagine la scène improbable. Non, mais quoi que, se faire frapper le sexe avec un marteau, c'est chaud. Hein. Ah ouais. Bon, okay. Bon, vous êtes inspiré en tout cas au standard, ça c'est cool. 01 42 48 5000, hashtag le Nitro aussi pour nous proposer les tu préfères. Il y a Pierre de Lille avec nous. Bonsoir, Pierre. Salut tout le monde. Salut. Bonjour. Salut, ça va? Ça va et vous? Bah ouais, très bien. Est-ce que tu as un tu préfères pour quelqu'un de cette équipe? Alors, j'aurais un tu préfères pour Anso. Ah, alors je t'écoute, Pierre, je suis tout à toi. Alors toi, Anso, est-ce que tu préfères manger ta merde tous les jours ou boire ton pipi tous les jours? Oh non. Ah bah non, mais je bois mon pipi, je crois. Hein. Bah oui. Je bois mon pipi, c'est pas possible. Bah évidemment. C'est vrai que ça donne pas très envie comme ça. Hein. Pierre, tu ferais quoi, toi? Tu choisirais quoi, toi? Bah, moi, c'est la piste quand même. Hein. Ouais, bah ouais. On est tous pareils. Forcément. Bah, après, écoute, tout dépend si c'est chaud ou froid. Oh, ça me dégoûte. Oh. Tu crois qu'il y a une vraie différence en termes de goût? Je sais pas. Non, je déconne. Je sais pas, je préfère pas savoir. Est-ce que t'en avais un deuxième? Ouais, pour toi, Marion. Vas-y, je t'écoute. Alors, toi, Marion, est-ce que tu préfères aller au travail nu, c'est-à-dire que t'arrives à Fun Radio nu, ou avec des fringues de chez Desiguales, mais dégueulasse? Non, je viens à poil. Non, évidemment, je choisis Desiguales, mais franchement, j'aurais du mal. Hein. Ouais. Ah ouais, non, j'aurais du mal. Qu'est-ce que ça me ferait rire? C'est un peu hardcore, hein. Hein, ça vous ferait pas trop rire dans l'équipe de voir un joueur Marion habillé toute une journée en Desiguales? Ah ouais. Mais attends, après, j'ai pas envie d'être méprisante parce qu'il y a des gens qui adorent. Hein, y a des ta mère aimait Desiguales. Oui, ma mère, elle adore Desiguales, elle en porte et je lui avais acheté un peignoir Desiguales. Ouais. Ça coûte une blinde. Je comprendrai jamais cette marque, mais je pense que c'est pour les femmes plus matures. Ou alors pour les Espagnols. En Espagne, ça cartonne. Ouais, mais je sais. Non, mais en plus, c'est souvent des gens qui sont heureux parce que c'est coloré. Ouais, c'est ça. Mais je trouve que moi, ça, excusez-moi, monsieur Desiguales, mais je trouve que c'est un peu chargé quand même tout ça. Allégez-moi un peu le tissu. C'est ça. Je comprends pas, moi. Bon, Pierre, merci en tout cas. T'étais bien inspiré, ça nous a beaucoup plu. Mais moi, je vous remercie d'être là tous les soirs pour nous, ça fait super plaisir. Ah, t'es trop mignon, t'envoie un pack Fun Radio avec des beurs. Bisous, Pierre. Ça marche, merci beaucoup. Bisous. Bisous. Il y a Emeline aussi à Orléans avec nous. Bonsoir, Emeline. Salut tout le monde. Ça va? Bonjour. Ça va et vous? Ouais, super. Très bien. Est-ce que tu as un tu préfères pour un garçon peut-être? Ouais, alors moi ce soir je mets des garçons. Vas-y. Ah oui. Alors, je commence par Thibaut. Ok. Bah, Amir, tu m'excuses. T'inquiète. Ouais, t'inquiète. Alors, je voulais savoir, Thibaut, si tu préférais avoir les mêmes sourcils qu'Amir. Oh, vas-y. Ou un nez aussi gros que ses sourcils. Ah, putain. Ah, c'est chaud. Je suis désolé, mec, mais tes sourcils, c'est pas possible. Oh non. Mais sourcils... Ah, mais non, mais je pense que vous avez craqué parce qu'il y a plein de gens qui m'ont pas vu en vrai et qui m'entendent seulement. Ils pensent vraiment que j'ai des sourcils de ouf. Ouais. Bah, mais si, bah. Ils pensent que j'ai des cheveux. Mais ils te jurent. Non, mais vous voyez quand vous faites des barbecues, vous voyez des côtes de bœuf. Mais vous mettez des côtes de bœuf. Hey. À chaque fois, je mets ma tête sur. Et ça vous fait un peu Amir. Non. Arrête, Amir. Arrête, bébé. Ah, il a quitté le studio. Non, mais merde, il est parti. Il faut savoir que sur le visage d'Amir, c'est 80% de son visage qui est avec des sourcils. C'est ça. Ouais. Reste, en fait, vous ça... voyez les paillassons qu'on met devant les entrées pour s'essuyer les pieds. Et ben, c'est comme s'il en avait deux. Arrête, parce qu'il nous entend, donc quoi, il va jamais vous revenir. Mais du coup, Thibaut, tu réponds à la question. Bah, du coup, ses sourcils, ils sont magnifiques. Je prends ses sourcils. Ok. D'accord. Bon. D'accord. T'en as un autre ou pas? Où est-ce que Amir est revenu? Attends, on va le chercher, on va le chercher. Non, il est pas là, attends, on y va. Amir, il est vexé. Viens, viens, bébé. Vas-y, il est là, il t'écoute. C'est ma dernière émission, sachez. Rigolez, rigolez. Alors, on t'écoute. Bon, alors, Amir, ouais. Tu préfères te raser la tête une fois pour toutes en mode Fabien Barthez, ou alors tu préfères avoir les cheveux gras toute ta vie? Ouf. Ah bah là je te lis direct, me raser la tête une fois pour toutes. Ouais. Mais on verra que mes sourcils aussi seraient. Est-ce que j'allais dire tu rases les sourcils avec? Bah non. C'est terrible. Hein. Emine peut-être cesse là, parce que je crois qu'on arrive sur la jauge de patience. On t'embrasse ma belle mère. Bisous chérie. Bisous. Bisous. Ciao. Bon, je peux pas m'en empêcher parce que j'adore quand Yannick a des hauts de cœur. Je viens d'en préparer un autre pour lui. Ah non c'est horrible. Yannick écoute bien. Est-ce que tu préfères boire du sang de règle? Oh. Ah non. Ou lécher l'intérieur d'un nombril sale? Donc vraiment sale, transpirant le nombril, tu vois, avec des petits morceaux. Ou alors le sang de règle. Et Marion, t'es pas bien, quoi. Un vrai truc qui pue, quoi, dans le nombril, avec tu vois. Avec des morceaux. Ouais. Avec des morceaux, quoi. Des morceaux de trucs qui puent. Ouais, non, mais je prends quand même le nombril. Ah, tu prends le nombril? Ah bah oui, le sang de règle. Eh, le nombril, mec, ça sent le caca. Hein. Eh ouais, mais le sang, t'es malade ou quoi? Jamais de ma vie. J'adore. Et attends, il y en a un sur Twitter qui te demande, Yannick, tu préfères faire l'amour à Marion ou à Anso? Non, c'est vrai? Ouais. Tom. Non, mais c'est une question. Hein. Ah, question pour ça. Yannick. Bah, sois honnête. Hein. Ouais. Alors, vous savez que j'ai la phobie de l'âge. Ah ouais. Ah ouais. Oh, c'est écoute, c'est quoi, mec? C'est quoi, va bouffer des pots de crotte de nez? Attends. Va boire des litres. Mais Yannick, Bichon, moi aussi, je suis plus vieille que toi. Hein. Oui, mais t'es moins vieille que Anso. Ouh là là là. Ah ouais. Oh là là. Et pourtant, tu sais pas que je suis l'un des meilleurs coups du monde. Je sais. Et t'es pas forcément meilleur que moi. Non, mais bon. Oui, Amir. Il y a un tu préfères pour toi sur Twitter, Anso. Vas-y. Tu préfères donner Wacha à Pépère, mais avoir toutes les choses gratuitement, à vie, ou garder Wacha, mais travailler? À vie. Bon. Bah. Et garde Wacha. Il est nul, c'est du bon cas. C'est déjà ce que je suis. Oui, mais t'as dit, tu pourrais avoir plein de trucs gratos, oui. Tu vois. Mais non, mais je préfère garder ma vie, en fait. Non, il y avait mieux peut-être. Attends. Bon, il y a Arnaud à Amiens qui est avec nous. Bonsoir, Arnaud. Salut les filles, comment ça va l'équipe? Ça va, et toi? Ça va super. Ça va. Bah, ça va, impeccable. Avec la pluie, tout va bien. Ah, ouais. Le temps, tout ça. C'est énorme en même temps, c'est normal. Alors, dis-nous, t'as un tu préfères pour qui, toi? Ben, moi j'en ai deux, j'en ai un pour Yannick et un pour Enzo. Ah ouais, ouais. Vas-y, commence par Enzo, ça va changer. Allez, commence par Enzo. Enzo, ouais. Tu préfères puer des pieds souvent et avoir ton émission de radio, ou tu préfères sentir bon des pieds, et mais par contre être au chômage? Bah, quand même. Ah bah non, je crois qu'il hésite là. Hein. Non, ouais, je préfère être au chômage largement. Non, mais non, tu pues des pieds. Ah ouais. Je préfère puer des pieds 1000 fois ou qu'on me coupe les pieds, je m'en fiche. Bah oui, il était facile. Bah, c'est pratique quand même des pieds pour marcher. Hein. Oui, mais bon, tu peux marcher sur les mains aussi. T'en as un autre ou pas? Ouais, j'en ai un autre pour Yannick. Vas-y. Yannick, tu préfères faire l'amour souvent, mais avoir la diarrhée à repeindre les toilettes de fin de radio? Oh putain! Ou ne plus faire l'amour mais de ta vie, mais par contre, ne plus avoir la diarrhée non plus, quoi. Ah, Attends, toute sa vie, il doit être malade. Ouais. Ouais. Et sinon, il fait plus jamais l'amour. Bah non, je prends la diarrhée. Ah ouais. Donc, tu repeins tous les toilettes de fin de radio. C'est top, ça. Ouais. Bah, tu sais, Arnaud, il y en a qui s'en chargent déjà très bien sans Yannick. Hein, donc, je passe un message. Hein. Arnaud Bichon, j'en ai un pour toi. Tu m'écoutes? Ouais. Est-ce que tu préfères chier des noix de coco toute ta vie? Ou pisser des clous rouillés toute ta vie? Oh. Allez, dure celle-là. Ah ouais. Les noix de coco. Je préfère mieux chier des noix de coco, ça dure moins longtemps que pisser. Bah, quand même, Faut la passer la noix de coco Bichon. Ouais, mais les clous rouillés, il a pas tort. Hein. Je pense que c'est pareil. Moi, j'ai pas le vaccin du tétanos à jour, alors je pourrais pas faire ça, hein, c'est sûr. Merci, moi, Arnaud, on t'embrasse. Il y a moyen d'avoir un petit pack fun ou pas? Oui, bien sûr, entre Passianic au standard, tu gères ça avec lui, d'accord? Et Amir, t'inquiète pas, tes sourcils, ils sont pas gros. Ah, c'est énorme. Merci, mon pote. Bisous, Arnaud. Ouais, je l'aime. Salut. Bien. Bisous. Bon, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. C'est le Pourquoi tu m'appelles qui va débarquer. Et franchement, c'était canon. Faut vraiment qu'on se le refasse si tu préfères. Ouais, c'est sale, mais moi j'ai envie de faire vomir Yannick. Hein. Bah oui, c'est ça. J'adore. Sais que c'est ta passion. Ah bah oui. Le Pourquoi tu m'appelles débarque dans un instant. Marion et anne@funradio.fr pour vous inscrire. Et tout de suite, bah le v'là. Richard Olinski sur Fun Radio. Rushing on a feeling, chasing fireflies. I wish I was less impulsive. But really, there's no reason why we live in fear of life. Even in the worst parts, there will always be a light. Where there's a heartbeat sound. En direct avec vous jusqu'à minuit. Et avec David Guetta qui arrive dans un instant. Le tout nouveau que vous avez découvert ici sur Fun Radio. Hashtag fierté, hashtag fier comme un coq. Et puis ça va Marion, on te dérange pas parce que, non, il faut que je vous dise, j'essaie de combler jusqu'à ce qu'elle dise quelque chose. Mais attends, là on est en train d'enlever son soutif. Oui, non, oh, t'abuses. Non, bah mais quoi. C'est juste qu'il me gêne. Voilà, je sais pas, je me sens pas bien. Du coup, je l'enlève, mais je l'enlève pas devant tout le monde. J'enlève par les manches. Oui, d'accord. C'est un peu compliqué. Thibaut, à l'arrière, il y a pas un vêtement qui te gêne, toi? Non, mais moi je vais pas regarder. J'essaie de me contenir. D'accord. Oh, ça va. Non, mais c'est vrai qu'on vit quand même mieux soutif, sans slip. Allez, vous trouvez pas que le mot slip est rigolo? J'adore. Allez, hashtag mon rigolo sur Twitter. Pourquoi tu m'appelles? Non, mais vous avez rien à foutre, quoi. Je me lève demain matin, je travaille, moi, merde. Allez, c'est bon, ça me touche, raccroche, là. C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Alors les gens ne sont pas toujours énervés comme ça. Parfois on tombe sur des gens très sympathiques qui veulent faire la conversation ou pourquoi tu m'appelles, hein, ça oui, arrive. Bien sûr, car il y a des gens qui vivent dans la joie, hein, parfaitement. Si vous voulez affronter Anso ou moi, Marion et Anso@funradio.fr ou un petit MP sur Facebook ou sur Twitter, ça marche aussi. À gagner cette semaine votre pack t-shirt de la marque Whoop. Ouais, c'est canon. On adore cette marque, c'est hyper funky. Et c'est Anton qui joue avec nous de Belfort. Bonsoir Anton. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Salut. Ça va Anton? Bah ouais, ça va et toi? Bah impeccable, t'as quel âge toi? J'ai 14 ans, je vis à Belfort, je suis de la Franche-Comté. D'accord. D'accord. Première fois à l'antenne pour toi ? Première fois à l'antenne, je vous écoute tous les soirs, vous déchirez grave. Et alors, comment tu nous as découvert, Anton ? Bah, je vous ai découvert juste en écoutant tout le temps, tous les jours, Fun Radio, en fait. D'accord. Ah d'accord, c'est un mordu de Fun Radio, quoi. Au top. Tu veux jouer contre qui ce soir ? Je veux jouer contre Anso. D'accord. Okay, Anton. Alors, Anso, j'ai vu des tweets passer. Les gens réclament la foraine. Il y a vraiment des gens qui ont dit « J'adore quand vous faites les voix de foraine. Du coup, est-ce que ça te dérange de le faire ? Ou pourquoi tu m'appelles ? Comme ça, ça permettra en plus à Anton de gagner plus facilement. » J'ai l'impression d'être un instrument de divertissement. Là. Bien sûr, je m'exécute. Il n'y a pas de problème. Hein. Allez, c'est parti. On la laisse commencer, Anton. D'accord ? Ok. Allez, go. Vas-y. Fonce, petite femme. Bouge pas. En mode foraine. Oh, j'y vais. C'est parti. En plus, ça met bien en valeur. Bonsoir. Pardon. Je me racle. Allô ? Allô, bonsoir ? Oui. Pourquoi tu m'appelles ? Allô ? Oui. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Pourquoi tu m'appelles ? Allez, c'est parti, on démarre, je t'entends pas, crie plus fort. Pourquoi tu m'appelles ? Allô ? Monsieur, je sais que vous êtes encore là, parlez-moi, je suis pas folle, vous savez. Ah bon ? Mais oui, je vous promets, je veux juste savoir pourquoi vous m'appelez, monsieur. Mais je vous appelle pas. On a pas mal au cœur, allez, c'est parti. Il y a des sacs à vomi sous les sièges. On répond à la question, pourquoi tu m'appelles, monsieur ? Parce que je t'appelle. Ah oui, monsieur, mon téléphone vient de sonner, donc... Donc vous avez... Peut-être que vous m'avez appelé par erreur aussi, hein, c'est possible ? Oui, c'est possible. C'est parti, on s'accroche, les petits loups ! Pourquoi tu m'appelles ? Allô, monsieur ? Oui. Du coup, donc vous voulez pas répondre à ma question ? Comment ça se passe ? Bah, pourquoi tu m'appelles ? Bah, toi, pourquoi tu m'appelles ? Bah non, toi, pourquoi tu m'appelles ? Attention, c'est parti, Jacqueline aux manettes ! Et c'est parti pour le looping ! On s'accroche, monsieur ! Pourquoi tu m'appelles ? Pourquoi tu m'appelles ? Oui, monsieur, mon téléphone vient de sonner, c'est-à-dire que là, je suis au travail, vous comprenez bien, moi, j'ai des manèges à faire tourner. Donc je voulais juste savoir pourquoi tu m'appelles. Et puis comme ça, hop, on reprend nos vies, même si on passe un très bon moment. Attention, hein. Ah bah, bien sûr. C'est parti, je t'entends pas. Crie plus fort les mains en l'air, ça vous stimule les globules. Et pourquoi tu m'appelles ? Et pourquoi tu m'appelles ? Bon, bah donc, il n'y a pas d'échange. Il est parti, putain. Il était génial. Mais lui, il était magnifique. Fan de toi, quoi. Mort de rire, quoi. Ah, mais magnifique. J'adore les pourquoi tu m'appelles comme ça. Positif. Ah, mais moi, j'aime beaucoup, surtout, entendre le mot looping et Jacqueline aux manettes. Ça me fera toujours autant rire. Combien de temps elle a fait, Thibaut, à l'arrière ? 1 minute et 48 secondes. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Bravo, Anso. Franchement, c'est un beau score, surtout avec ce handicap. Bon, mon bichon, ça va être un peu compliqué, mais je crois en toi. Ça va être un peu compliqué, je pense. Vas-y, non, Antoine, non. T'es péchu, vas-y. Allez, Antoine, tu peux le faire, tu peux tenir les gens, toi aussi. Ouais. Vous savez quoi ? Si j'avais une seconde bouche, ben, je me serais roulé une pelle. Ça va le melon, là ? Mais non, mais... Mais je rêve. Et une 48. Oui. Oui, allô ? Allô ? Oui. Oui, pourquoi vous m'appelez ? Parce que mon téléphone vient de sonner et je voulais savoir pourquoi vous m'appelez, monsieur. J'ai pas appelé, j'étais chez moi, je viens d'arriver. Parce que mon téléphone il vient de sonner et puis vous m'avez appelé, donc ça m'a inquiété et je vous ai appelé. Bah non, j'ai pas appelé, j'étais pas là. Je viens d'arriver et je viens de voir que j'avais un appel. Vous m'avez appelé sur ce numéro, monsieur, donc moi non, je vous rappelle. Non, pas appelé, je suis pas fou. Je viens d'arriver chez moi, j'avais pas mon téléphone. Ah monsieur, je vous jure que vous venez de m'appeler. Mais non, mais non, j'ai pas appelé. Et en plus, je suis tout seul chez moi, donc c'est personne qui l'a fait. Non, il y a des merdes sur les lignes de plus en plus, c'est tout. Et moi, j'ai pas appelé. Qu'est-ce que je... Bon, je sais pas, je vous connais même pas. Vous êtes d'où, monsieur ? Moi, je suis en Bretagne. Moi aussi, je suis de Bretagne. Bah oui, peut-être, mais enfin, bon, non, j'ai pas appelé. J'ai appelé personne. Vous avez quel âge, monsieur ? Ah non, mais ça t'en regarde pas, ça. Mais vas-y, non, j'ai pas appelé, j'ai appelé personne. Je veux savoir pourquoi vous m'avez appelé, monsieur, parce que vous m'avez appelé vraiment. Merde ! Putain, je viens d'arriver, casse-moi pas les couilles. Ouh là là là là, vénère le monsieur. Alors, combien de temps il a fait Thibaut à l'arrière ? 1 minute 24. Aïe aïe aïe aïe aïe, c'est pas mal quand même. 1 minute 24. Hein. C'est bien, hein, c'est une belle perf effectivement. Mais c'est pas assez. Ah, j'étais à 20 secondes près. Bah oui, je sais, mais tu sais, il y a plein de gens qui sont à 20 secondes près. Ouais. Par exemple, tu chopes un train à 20 secondes près, hop, tu le loupes. Ouais. Et comment on fait ? Un avion à 20 secondes près, bah t'as pas l'avion. Tu pars pas dans les tropiques. 20 secondes, c'est quand même. T'aurais été à 2 secondes, bon, on te l'aurait offert, mais là, il y a un petit écart quand même. Ouais, il y a un petit écart, ouais, je suis d'accord. Oh, bébé chat. Bon. Anton, tu sais ce qu'on va faire ? On va faire un pourquoi tu m'appelles de rattrapage. Voilà. Hein ? Ouais. Ok. Allez, on se fait ça d'ici 15 jours, 3 semaines. Tu nous réécris, tu nous envoies un petit mail et on retente sa chance. Ok? Ok. Et en plus, vraiment, je vous soutiens à fond, vous déchirez vraiment. Et je suis abonné à votre chaîne YouTube, je suis abonné à votre Facebook, à votre Twitter. Bon, hey, tu sais quoi? Attends, Anton. Anton, t'en as dit assez. C'est gagné. Bravo, bravo, bravo. Ah oui. Vraiment? Ah bah oui. Non, mais tu sais, nous, avec Marion, on est en train de se regarder depuis tout à l'heure, la main sur le cœur, les larmes qui commencent à monter. Moi, j'ai du liquide lacrymal dans les yeux. Tu sais, on est trop sensible et puis t'es humble. Oui, c'est gagné. Oh, il imite la sirène. Hein. Oh, vous déchirez trop. Ah, mais c'est normal, mon bichon. En plus, t'as été bon. Et puis, tu sais, nous, on est sensibles. Il nous en faut très peu. Donc voilà, t'as su trouver les bons mots. Bravo à toi. On t'envoie ton pack t-shirt tout. On t'embrasse, Anton. Allez, bisous. Bisous. Ciao, bisous. Donc, si vous voulez, vous aussi, gagner des cadeaux, eh bien, il faut nous beurrer la biscotte. On va se faire le son que vous adorez là sur Fun Radio, Sound of Legend. On va aussi avoir le Je te demande pardon tout à l'heure. Gros, gros dossier au Je te demande pardon et gros cadeau, soyez là. Et dans un instant, on va accueillir Sacha. Sacha, il veut parler de quelque chose. Il a du mal à réagir face aux mauvaises nouvelles. Parce que oui, Sacha a beaucoup de mauvaises nouvelles dans sa vie. C'est assez dur pour lui. Si vous aussi, vous avez un petit problème comme ça de réaction face aux gens, 01 42 48 5000. Faut que je ne pas revenir tout de suite. Je l'ai bien vendu ou pas? Bah attends, le pauvre Sacha. Oh, Sacha, je t'aime. Dans un instant sur Fun Radio, on va vous offrir votre pack PlayStation. Il y a la PS4 dedans, il y a le casque VR, il y a 11 jeux, il y a deux moves, il y a vraiment la totale pour s'éclater. Énorme. Du coup, si vous voulez vous inscrire, Marion et Anne-Sor, funradio.fr, il faut jouer à un jeu avec nous. Soit le Pokélost, qu'on va bientôt modifier d'ailleurs, soit le Je te demande pardon. Inscrivez-vous, on a tous quelque chose à se faire pardonner de toute façon. Vous trouvez pas que les moves là de PlayStation, ça ressemble à des cornets de glace? Non. Ouais, à si, une boule. Ouais. Ah, bon un peu. Bah, si. En fait, c'est une boule quoi. Ouais, oui. C'est une boule sur un bâton. Donc tout ce qui est cornet de glace. D'accord. Ouais, Non mais voilà, c'était juste, voilà, je voulais partager ça avec vous. Vous me dites oui, vous me dites non. Visiblement c'est non, pas de problème. Anecdote de merde. Voilà, tu l'as mérité celle-là. En tout cas, j'ai encore plein d'anecdotes comme ça dans ma sacoche. On est avec Sacha de Moncara. C'est où Moncara d'ailleurs? Bonsoir Sacha. Bonsoir Marion, bonsoir Anso. Alors, c'est où Moncara? Moncara, c'est entre Lyon et Grenoble. Ah ok. C'est dans la campagne, c'est paumé. Il y a plus de vaches que d'habitants dans mon village. C'est génial. Et ben, on connaît, c'est pas. Capte, capte tout juste la radio, hein, c'est pour vous dire. Et toi-même, tu as une vache? Non, pas encore. D'accord. Ça va peut-être venir, mais... T'es quoi, t'es au lycée, toi? T'as quel âge, 18 ans? Ouais, je suis au lycée, ouais, j'ai 18 ans, je suis au lycée, okay. En terminale, tranquille. Bon, et alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de réaction face aux mauvaises nouvelles? Alors, explique-moi. Je pense que ça a dû arriver déjà au moins une fois à tout le monde. C'est, j'ai des amis autour de moi. Et le fait, c'est que mes amis, ils ont appris, eux, des mauvaises nouvelles pour eux. Donc, des décès dans leur famille. Je ne vais pas être trop dans les détails non plus, mais voilà. Mm-hmm. Et je ne sais pas comment réagir, parce que moi, je suis un gros Gaston Lagaffe. C'est-à-dire que je vais apprendre que ma pote, elle a perdu quelqu'un. Je vais lui dire ça va. Ah oui, d'accord. Oui, tu sais. Oui. Et je ne sais pas du tout comment réagir. Et je passe pour le pote con, du coup, en fait. Ah oui, t'as un peu de mal à être un peu dans l'empathie, quoi. Voilà, c'est en même temps, c'est vrai que des nouvelles graves, c'est quand même assez compliqué. Qu'est-ce que tu veux dire aux gens, en fait? C'est très dur. Moi, je pense qu'il faut jamais en faire des caisses, parce que franchement, moi, j'ai récemment perdu mon papy, mon deuxième papy, celui qui me restait. Et alors, c'est vrai qu'il était très vieux. Il avait 95 ans. Du coup, bah, les gens, ils essaient de justifier sa mort, tu vois, pour essayer de te remonter le moral. Ils te disent, tu sais, il a vécu longtemps. Il a une grande vie, hein. 95 ans. Mais je le sais, tout ça, mais c'est pas ce que t'as envie d'entendre, tu vois. Bah non. Et du coup, ça n'a aucun intérêt de dire ça, moi, je trouve. Autant dire, bon, bah, je suis désolée, je sais que c'est toujours dur. Et voilà, un petit mot gentil plutôt que de justifier, oui, comme ça un décès. C'est plus facile à accepter un papy de 97 qu'une petite sœur de 12. On le sait, ça, Amir. C'est juste que je le sais déjà. J'ai pas envie d'entendre ça de tout le monde, là, qui vient de voir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il pense faire du bon sentiment et il pense te remonter le moral, alors que c'est tout l'inverse. Sachant en même temps, quand t'apprends, quand t'es avec un pote qui a perdu un proche ou quoi, tu sais, t'as pas grand chose à lui dire à part, bah, je suis désolée, mon pote, si t'as besoin de parler, je suis là. Ouais, c'est ça. Si tu veux qu'on se fasse un ciné pour changer les idées, il y a pas de problème. Enfin, tu vois, il faut que tu sois. Parce que c'est vrai. Et Sacha, moi, je te rejoins un peu sur un point. C'est que souvent, moi, quand j'ai des copines qui vont pas bien, bah, j'ai toujours tendance à faire de l'humour. Ou même, par exemple, là, la semaine dernière, ma banquière, elle m'a appelée pour me dire, là, c'est n'importe quoi, Anne-Sophie. Vous êtes vraiment un énorme découvert. Donc, j'essaye de faire de l'humour. Mais sauf que ça marche pas du tout, en fait. Tu fais genre quel genre de blague? Je sais pas, j'essaie de lui dire qu'il y a plus grave dans la vie, que je vais m'en sortir. Enfin voilà, j'essaie de faire de l'humour et puis ça marche absolument jamais, quoi, tu vois. Est-ce que tu leur dis genre je rêve d'une banque? Non, mais ça, tu vois, ça peut marcher. D'accord. Et donc du coup, souvent, en fait, moi, je me cache derrière l'humour, mais ouais, c'est pas forcément, ça dépend. Moi, je trouve que ça peut marcher, là, c'est la banquière, ça passe, mais dans le cadre d'un décès ou comme ça d'une vraie grave nouvelle, non, ça passe jamais, hein. Non, ça marche pas du tout. C'est Amir qui a aucune empathie avec les animaux, mais alors ça m'énerve. Ouais, moi aussi. Parce que je sais que pour certains, c'est risible, par exemple, de perdre. Il y en a qui en font des caisses. Tu vois, par exemple, j'ai vu, alors je juge pas, mais j'ai vu Christophe Beaugrand la dernière fois, qui a pleuré sur Twitter à la mort de son chat, qui était vieux et tout. Je comprends le mal que ça peut faire, parce que moi, quand j'ai perdu mes animaux, laisse tomber, j'étais au fond du trou. Mais de là à l'afficher, j'aime beaucoup Christophe, hein, mais je trouve que, tu vois, c'est bizarre, tu vois, tu sais pas trop. Bah, je trouve ça bizarre sur Twitter, excuse-moi, de mettre mon chat est mort. Mais oui, mais bon, c'est un animal, c'est moins fort qu'un être humain. Oui, mais toi, t'as pas d'empathie, tu comprends pas. C'est-à-dire que Amir, non, je suis désolée. Ah si, j'ai déjà eu un chat. Et oui, quand il est mort, bon bah. Mais oui, toi, t'es un méchant chat. Non, c'est ça. Non, je suis pas un méchant chat. C'est juste que j'avoue que moi, les animaux. Enzo, par exemple, il a perdu son chien il y a combien de temps là? Là, il y a un mois à peu près. Il y a un mois, quand il me l'a dit, bon, au téléphone, je lui dis ok, pas de soucis, il arrive plus tard. Mais après, je me suis. Ouais, t'as pas compris, tu t'es dit, mais moi, je comprends pas que tu comprennes pas, je comprends pas que tu te dises, enfin, t'as pas d'empathie, quoi, c'est un truc de ouf. Moi, je t'explique, si je perds Wacha, ça va être l'enfer. Ouais. Hein. Non, mais imagine, Amir, tu perds tes deux sourcils. Oui. C'est quand même triste. Bah oui, c'est ça. T'as toute ta vie avec eux, tu sais, c'est pas évident, tu vois. Tu les as dressés, tu vois. Je les ai dressés, mais. Oui, c'est chaud. Ah oui, ils font des câlins et tout. Ah, mais tu crois que je leur donne à boire comme ça? Je pense, tu les caresses tous les jours comme ça, là. Tu les gratouilles, ça ronronne. Non, mais bon. Bon, Sacha, tu sais quoi, on va t'aider, on va essayer de te trouver des solutions, il y a du monde au standard pour toi, d'accord? Bien sûr. On a Karine. Cool, merci. Karine à Valence est avec nous. Bonsoir Karine. Bonsoir Marion, bonsoir Anso. Ça va Karine? Ça va, merci. Et vous? Bah oui, très bien. Est-ce que toi t'as un conseil ou une anecdote peut-être à nous raconter là-dessus? Bah moi c'est plutôt une anecdote. Ah. Moi ma réaction c'est qu'à chaque fois qu'on m'annonce un décès, et bah par nervosité je prends un fou rire. Ouais, je sais. C'est horrible. Ouais, c'est horrible. Et tu sais, c'est souvent. Mais oui, je sais, Karine, mais c'est souvent les cas comme ça. Moi, j'avais enterré la mère de mon père, et à l'enterrement, on a pris le plus gros fou rire de notre vie avec papa. Parce que, tu sais, tous les gens viennent te voir à la queue leu-leu, genre, je suis désolée. Ouais. Et un jour, et à un moment, il y a une vieille dame qui me prend dans ses bras, qui me dit, je suis désolée, parce que je la connais pas. Ouais. Et je dis à papa, mais c'est qui? Il me dit, ben, je l'ai baisé. Quoi? Il a dit, je l'ai baisé? Oui, mais en vanne. Ah ouais. Tu vois, c'était une vanne, histoire de dédramatiser un peu le truc. Sauf qu'on a pris le plus gros fou rire de notre vie jusqu'à la fin de l'enterrement. Et les gens se disaient, mais son fils, quel manque de respect. Bah, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Après, moi, j'ai du mal. Hein, parce que moi, pour avoir fait un enterrement récemment, je me dis, mais impossible que quiconque puisse partir en fou rire. Tellement mais, c'est pesant, l'ambiance et tout. Tu te calmes direct. Mais ouais, le fou rire, après, c'est vrai que ça s'est déplacé, Bichette. Parce que la personne, t'imagines, elle est dans le mal absolu. Et après, il faut juste que tu expliques directement que c'est nerveux. Tu vois? Ouais. Oui, bah après, ils le savent, hein, parce que moi, c'était mon grand-père, par exemple, il n'y a pas longtemps, mais voilà, ça ne se contrôle pas. Après, il y a fou rire et fou rire, c'est-à-dire que si tu pars dans un fou rire d'anthologie de 20 minutes, c'est très compliqué, mais ça peut arriver, ça peut se comprendre, en tout cas, les gens qui se marrent. Oui, c'est une réaction un peu automatique, ouais. C'est nerveux, donc le rire, c'est nerveux. Donc, ça s'est vite transformé en larmes, après. Hein. Oh, ouais. Burr. Bon, ben, on est désolé. On sait pas quoi dire. Et donc, du coup, ce qu'on fait, on part en fou rire. Karine, on t'embrasse, ma chérie. Merci de nous avoir appelé. Gros bisous, les filles. Je vous adore. Bisous. Pas. Bisous. Promis. Moi, j'ai bien envie de tester Sacha. Ouais. Bichon, oui. J'ai envie de te tester sur des réactions. On va essayer de t'entraîner. Je vais t'annoncer des nouvelles, bonnes ou mauvaises. Hein. Oui. Et on va voir comment tu réagis, ok? Ça marche. Ça marche. Alors. Je t'annonce que ton petit frère, je sais pas si t'en as un, mais vient d'obtenir le bac. Le bac ? Ouais, il l'a eu. Eh ben, on fait une grosse soirée et je lui paye le champagne, tu vois. C'est pas mal, donc tu lui dis bravo et tout, c'est bien. Carrément. La bonne nouvelle, il maîtrise, Sacha. Ok, tu apprends que ta sœur s'est fait larguer par son mec. Vas-y, genre, je suis ta sœur, Sacha. Tant mieux, c'était un connard, je te dis. Oh là là, non, c'est horrible. Non, Sacha, je suis pas bien, mon mec, il m'a laissé, je suis hyper malheureuse, je pense que je retrouverai jamais l'amour. Mais c'est compliqué parce que j'ai pas de sœur, tu vois, je peux pas mettre dans le truc. Eh ben, ta meilleure amie. Ma meilleure amie, alors, ouais, vas-y, fais ma meilleure amie. Voilà, je me sens mal, il est parti pour une autre et je me sens moche et j'ai l'impression que plus personne ne sera jamais attiré par moi. Horrible. Eh ben là, je te prends dans mes bras, tu vois, je te prends fort dans mes bras. Ouais, tu me dis quoi? Et il te met tout de suite. Je te dis, t'inquiète pas, de toute façon, tu mérites mieux. Bien. Y a pas de problème. Ça, c'est bien, Sacha. Franchement, tu maîtrises, j'aime bien. Tu apprends que ton père et ta mère vont divorcer. Tu leur dis quoi? C'est arrivé il y a 2 mois. Ah, alors comment t'as réagi? j'ai réagi. J'ai pas réagi en fait. C'est-à-dire? J'ai dit bah écoute, voilà, c'est une nouvelle vie, c'est comme ça. Je peux rien y faire de toute façon, donc on fait avec. Ah, bah c'est bien ça aussi, c'est et mature. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est mature ça. Franchement. T'es fort. Attends, est-ce que je t'en ferai pas un dernier? Moi, j'en veux bien. Vas-y. Sacha, tu apprends que ta meuf t'a trompé. Oula. Aïe. Aïe. Alors, je sais pas si je tue la meuf ou le mec avec qui elle m'a trompé. Ouais, mais ouais, dans les mots. Nous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Ouais, parce que ça sent la prison, donc on fait pas ça. Mais dans les mots, qu'est-ce que tu dis? Honnêtement, je sais pas. Je pense que je me décomposerais et je saurais même pas comment réagir. Si je m'énerverais, si je pleurais, je sais pas. Tu l'as dit, moi, ça non plus. Ça m'est jamais arrivé. Je sais pas ce que je ferais. Moi, je pense que je pars sur le champ déjà pour me calmer. Et limite, il me revoit plus, quoi. Ah, je croyais que c'est, tu pars sur le champ, mais tu pars sur une chanson, moi. Ah, j'étais là-dessus. Non, je pars sur un champ. Je m'énerve pas, je pleure pas, je m'en vais. Je le laisse seul avec toute sa réflexion. Ouais, moi aussi, je pense que je fais ça. Pas mal. Bon, Sacha, on a encore du monde au standard. Hein. Encore, bah, c'est cool. Olivier de Paris. Ah, mais attends, mais les gens sont habités pour t'aider. Bonsoir, Olivier de Paris. Salut les filles, salut toute l'équipe, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va. Alors, dis-nous, est-ce que toi, t'as un truc à nous raconter par rapport à une histoire de réaction? Alors, moi, c'est plutôt par rapport à une anecdote. Je devais avoir 8 ou 9 ans et un jour, mes parents m'ont annoncé qu'ils allaient divorcer. Alors raconte, comment t'as réagi? Ah, bah, sur le coup, tu te sens un petit peu con. Et c'est que derrière, avec ma réflexion de gamin, je me suis dit, attends, si mes parents divorcent, ça veut dire 2 Noël, 2 anniversaires, 2 vacances. Et donc, finalement, j'étais super content. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que quand t'es petit, en général, tu réfléchis comme ça. Tu te dis plus de cadeaux, ils vont être plus attentionnés avec moi, tout ça. Et c'est le cas? Ah, puis je veux dire que quand tu passes de l'un à l'autre, où ils ont tous envie de savoir bon et toi, ça s'est passé comment? Allez, hop, petit cadeau pour deux chouchous. Oui, c'est vrai. Ah, je me suis gavé. Ah, tu vois, Sacha, je suis gavé. Tu vois, Sacha, que c'est vrai, il a raison, Olivier, là-dessus. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah, ouais. Après, ça marche peut-être que quand t'es petit, quand t'as passé un certain âge, ça marche peut-être moins comme ça. Ouais. Oui, mais bon, bah, il aura quand même. Il y a toujours des avantages. Genre? Bah, genre, là, j'habite à la campagne, comme je t'ai dit, mais ma mère, elle habite à la ville. Ah, bah voilà, comme ça, t'es. Ah, bah voilà. C'est plus quoi dire. Ok, bah écoute, toi et tes parents divorcés, on les embrasse bien fort. Bisous Olivier, on t'embrasse. Allez, bisous à plus. Bisous. Thibaut, à la réunion, t'as pas demandé toi, Bichon, est-ce que je sais pas, t'as un type de réaction comme ça automatique quand on t'annonce une mauvaise nouvelle? Ah ouais, moi je suis un gros gaffeur. Genre souvent je dis qu'il y a pire dans la vie, tu vois. Genre. Mais en même temps, ça dépend dans quel contexte tu le dis. Ouais. Bah, genre une fois, j'ai dit ça à un pote qui venait d'apprendre que son père avait une maladie un peu grave. Et genre, je lui ai dit, non, mec, il y a pire dans la vie, ça aurait pu t'arriver à toi. Alors, Sacha, tu vois, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Oh, l'horreur. Bah ouais, je note. Ah ouais, non, ça c'est terrible parce que, non, en fait, en plus, je pense que c'est faux. C'est-à-dire que quand t'apprends un truc comme ça, limite, tu préfères que ça t'arrive à toi, quoi. Bah oui. Ouais. T'es trop mal, donc c'est terrible. Mais je suis nul, en vrai, je suis nul dans ce moment-là. Mais, mais en réalité, sur les mauvaises nouvelles, Sacha, il n'y a pas de bonne façon de réagir. Non, bah ça dépend vraiment de chacun. Ça dépend de ta sensibilité, ça dépend de ta vie à toi aussi. Ça dépend de plein de trucs et tu peux pas changer là-dessus. C'est toujours hyper délicat, quoi. Bah ouais, c'est ça le problème. Essaye juste d'être dans l'empathie absolue et puis de te mettre à la place des gens, en fait. Ça, ouais, et puis être sobre, à mon avis, parce que les gens qui en font des caisses, moi, ça me met mal à l'aise encore plus. Ouais, non, c'est ça, ouais. Tu vois, ça, genre, ça s'en fout. Coup, pas en faire assez, enfin, c'est bizarre. Typiquement, si tu dois faire un message, si on t'annonce quelque chose par SMS, un petit « je suis vraiment désolée, je suis là pour toi en cas de besoin, je pense à toi, bisous », tu vois. Okay, pas un roman, genre sur... Oui, bah ouais. Sur les bienfaits de la mort et sur tu la retrouveras et voilà. Oh, non, mais c'est vrai, parce que c'est horrible. En plus, souvent, ça a tendance à te mettre encore plus en tanasse, quoi. C'est horrible. Parce que tu lis ça et tu dis, oh là là. En fait, Sacha, il faut que tu te dises que tu te mets à la place de l'autre. Qu'est-ce que t'aimerais entendre si t'étais à sa place? Voilà. Ouais, complètement. Ok, Sacha? Ouais, faudrait venir comme ça. Allez, on t'embrasse fort, mon Sacha. Merci, les filles. Bisous à toi. Bisous. Et j'ose à peine, mais je vais quand même le faire, Pépère. Ouais. Est-ce que tu as appris une nouvelle, toi? Comment t'as réagi? Bah, la pire nouvelle que Pépère il a appris, c'est quand Mémère elle l'a trompé, hein, cette pétasse. Oula, et t'as fait quoi? Bah, Pépère il lui a foutu du Tipex dans la chatte vu qu'elle s'est trompée. Rien à voir, oui. Bah, si. D'accord. Quand on se trompe, bah, faut mettre du Tipex. D'accord. Oui. Je savais pas que Pépère il s'essayait comme ça à l'humour absurde. Oui, bah, il est au théâtre, voilà. Au théâtre. Bah, oui. Allez, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. On vous offre du cadeau de malade dans le Je te demande pardon. Non, oui. Excusez-moi, allez chez l'orthophoniste, les deux là. Je te demande pardon et tout de suite, c'est Zara Larsson sur Fun. So if I'm attention, si vous débarquez là tout de suite sur Fun Radio, vous tombez bien les amis, puisque dans un instant, on va vous offrir un cadeau de malade. Je suis hyper fière avec Anso de vous offrir ça. Ouais. C'est un pack PlayStation, mais il n'y a pas seulement la PlayStation. Il y a évidemment la PS4, il y a aussi 11 jeux, il y a 2 moves et il y a surtout le casque VR. Je sais pas combien ça coûte tout ça, mais c'est un truc de malade. Ça coûte une blinde. Hein, ça coûte une blinde. C'est la totale pour s'éclater chez soi et ne plus avoir de vie. C'est vrai. Mais 11 jeux quand même. Et ça, ça se gagne au Pokélos, au Je te demande pardon. Donc allez-y. Marion et Anso, funradio.fr. On joue tout de suite. T'as un truc à te faire pardonner. C'est l'heure du Je te demande pardon. Et en plus, si vous avez envie de vous faire pardonner, bah c'est le moment. Comme ça, vous gagnez le pack PlayStation et en plus, vous repartez la conscience tranquille, sympa. Bah oui, alors je crois que j'ai l'impression que c'est un pack bonheur hein, qu'on vous offre ce soir. C'est Alex qui a un truc à se faire pardonner. Il est du côté de Cannes, le festival, le tapis rouge, tout ça. Bonsoir Alex. Bonsoir les filles, bonsoir les beurs. Comment ça va, beurs? Ça va et vous? Au top. Bon, t'as l'air content pour un mec qui a quelque chose sur la conscience. ouais, mais bon, là, ça va être compliqué, c'est vrai. Raconte-nous. Bah c'est en fait j'ai fêté mon anniversaire vendredi soir là. Ouais. Donc c'était mes 30 ans. Donc un cap hein, on va dire un bon cap. Joyeux anniversaire. Et, merci beaucoup les filles, merci. et donc j'ai mon meilleur pote Thomas que je connais depuis le lycée. Donc ça c'est un bail qu'on se connaît. Ouais. Vu que ma copine actuelle Elodie ne le supporte pas. Ça a toujours été vraiment électrique entre les deux. Mm-hmm. Bah, on va dire que je l'ai pas invité. Oh là là, Alex. Attends. C'est-à-dire qu'entre ton meilleur pote et c'est quoi? C'est une copine comme ça ou c'est ta copine? Non, c'est ma copine, ouais. Ah. C'est ma copine. Ah bah après oui, c'est ouais. Bah oui, mais enfin d'accord. Mais c'est tes 30 ans à toi. Ouais. Tu décides. Elle peut quand même bien prendre sur elle pour une soirée. Faut pas exagérer, non? Ouais, c'est vrai. Oh, Alex, pauvre. Mais moi, franchement, à la place de Thomas, je l'aurais trop mal pris, quoi. Mais il le sait que t'as fait cette soirée? Bah, je sais pas trop parce que j'ai vraiment essayé d'esquiver le truc. Oh là vraiment là. Pour pas qu'il le sache, mais bon, avec les réseaux sociaux, ça tourne tellement vite que ça se trouve, il le sait et puis il a pas voulu m'en parler. Donc, c'est vrai que. Ah, mais du coup, Alex, si ça se trouve, il le sait pas du tout. Tu vas l'appeler pour lui apprendre un truc. Ouais. Ouais, mais vaut mieux lui dire, c'est son meilleur pote. Ouais, mais je préfère, on va dire, laver ma conscience, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et okay. Voilà, j'ai déconné, mais voilà. Ouais, tu préfères surtout gagner le pack PS4. Nous la fais pas à l'envers. Ouais, hein. Tu sais, on est malins, nous aussi. Non, mais t'as raison. Franchement, pour le coup, je pense que c'est mieux d'être honnête avec lui. J'espère vraiment qu'il va te pardonner. Ouais. Ouais, bah j'espère aussi, Allez. Parce que bon, on est les meilleurs potes quand même. C'est parti, Alex. On appelle Thomas et il faut que tu aies une discussion avec ta meuf, hein, qu'elle prenne un peu sur elle, parce que c'est pas possible. Il faut qu'ils se voient. Oui. Tu peux pas. Ah non. Je finirai pas cette phrase. Hein. On a compris. Allô? Allô, Thomas? Ouais. Ouais, c'est Alex, ça va? Ça va, Alex? Ouais. Tranquille? Bah, tranquille. Normal, quoi. Tranquillo. Ouais, donc. Ouais, je t'appelle parce qu'avant que tu le saches d'une autre personne et que ça part en biberine pour ouais. rien. Donc ouais, vendredi soir je t'ai pas dit mais on a fêté mes 30 ans mais tu sais que vu qu'avec Elodie ça passe pas et tout, bah je suis désolé gros mais j'étais complètement sérieux sur ce coup là mais voilà, je veux vraiment m'excuser. C'est quoi, vendredi tu m'as pas appelé? Je le sentais qu'il y avait une couille. Je veux dire, à un moment, voilà, ça fait 15 piges qu'on est ensemble, ça fait combien de temps que t'es avec? Tu crois quoi? Ça y est, c'est la femme de ta vie, donc moi tu me dégages? Je te dégage pas, poulet, mais franchement c'était... Ah, si. Mais t'es 30 piges, mec, on a tout fait ensemble. Ouais, je sais bien, je sais bien, j'ai déconné. Depuis qu'on a 15 piges, on n'a pas raté un anniversaire ensemble. Ah, je sais bien, mais franchement, j'avoue, j'ai déconné, je m'en veux de ouf. Mais putain, mais j'en étais sûr, mais tu sais quoi, mais tu sais quoi, déjà, je l'aimais pas, elle, mais alors là, c'est encore pire, quoi. De toute façon, moi, je vais aller la voir, je vais lui dire entre quatre yeux, je vais lui dire ce que je pense. Mais c'est quoi, une histoire de cul, à pas savoir une histoire d'amitié comme ça pour toi? Eh non, gros, tu sais que c'est pas une histoire juste de cul, mais faut que tu me pardonnes, c'est la seule erreur, j'en ai fait des erreurs, moi. J'ai toujours été là quand tu m'as appelé, quand ça allait pas, pour attraper tes conneries avec tes parents, avec tes meufs, avec tes machins, tes bidules, j'ai toujours été là. Et là, pour ces 30 piges... Ouais. Thomas, bonsoir. Thomas, allô, bonsoir, c'est Elodie. Je t'aime. Non, arrête. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Non. Thomas, ne t'énerve pas. On est complètement de ton côté. C'est Marion et Anso. Tu es en direct sur Fun Radio, dans le Night Show. Ouais, d'accord. Bah, c'est bien, mais bon. Oui. Pourquoi il appelle une radio pour me dire ça, quoi? Parce que, alors, franchement, moi, je trouve ça plutôt bien comme démarche. Il se sentait mal et il s'est dit, bah, j'ai envie de l'assumer devant tout le monde, y compris devant ma meuf. J'ai envie de m'excuser. Et du coup, il avait envie de le faire et il s'est dit, peut-être qu'on pourrait l'aider aussi. Et nous. Mais elle est là, sa meuf? Non, elle est pas là, mais elle écoute certainement. Et nous, sache qu'on est de ton côté depuis le début. Après, il est complètement sincère et franchement, entre poteaux, ça arrive des histoires et ça arrive des bêtises. Tu vois, ça fait 15 ans que vous êtes potes. Moi, je vais vous dire, les meufs, moi, franchement. Tu sais quoi, moi, c'est bon, je m'en bats les couilles. Oula. Ça me fait mal au cœur, c'est mon pote, on a 30 piges tous les deux, on a tout traversé ensemble. J'étais là quand il a rencontré et tout, tu sais quoi, moi je m'en bats les couilles, démerde toi, vas-y, je m'en fous. Oh non, Thomas, bébé. Oh, il est parti. Oh, il est parti, mais il est très blessé. Alex, Alex, il est blessé, ton pote. Hein. Je peux comprendre. Je peux comprendre, tu vois, Alex. C'est dur ce que tu as fait. En plus, tu l'as menti, t'as fait ça dans son dos. Il a raison sur un point aussi, hein. T'es pas sûr de rester avec Elodie toute ta vie alors qu'il sera toujours là. Thomas, on est de ton côté, nous, il n'y a pas de souci. Hein. Après, voilà, moi, je pense que voilà, tout le monde a le droit à l'erreur, tout le monde a le droit à une deuxième chance. Il s'en veut, il l'a regretté dans la seconde où il l'a fait. Il sait que voilà, tu passes avant tout, donc essaie quand même d'y réfléchir, même si tu ne lui pardonnes pas tout de suite. D'accord? T'as droit. Là, c'est mort, là, je te dis, là, c'est mort. Mais non, mais Thomas, parce que là, c'est encore trop frais. Mais tu vas voir que d'ici quelques semaines... Parce que tu sais, c'est fatigant d'être en colère contre les gens, en vrai. Oui. Thomas. Bah, c'est fatigant, mais c'est fatigant aussi de se prendre un coup de poignard dans le cœur, quoi. Je suis désolé. Oui, mais trop de peine, hein. Mais moi aussi, j'ai trop de c'est peine. Mon pote, je te jure, c'est mon pote, quoi. Thomas, tu veux pas devenir notre pote à nous? Ah ouais. je t'assure, non, je t'invite à tous mes anniversaires. Moi aussi, t'as trop une bonne voix en plus, t'as l'air trop d'être un bon poteau, quoi. Bon, Alex. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser quand même discuter hors antenne. C'est à toi de t'étendre tout ça et surtout de t'expliquer vraiment et surtout d'appeler ta meuf aussi parce que c'est elle le vrai problème. Elle a pas à t'imposer des choix comme ça. Elle a pas à se mettre entre vous deux, sauf s'il a fait quelque chose de déplacé envers elle. Mais enfin, a priori, c'est pas le cas. Donc, parle-lui vraiment à ta meuf. Ok? Ouais, mais si, de toute façon, il faut qu'on mette les choses à plat. Voilà, et moi je vous propose les gars, histoire de rabibocher tout ça, une bonne partie de PS4 avec tous les accessoires, le casque VR et tout, parce que c'est gagné, bravo. Bravo, ouais, les gars. Alex, on t'envoie tout même ça. Même tant que ça, il va me les donner alors. Exactement, il y a 11 jeux, il y a la totale, il y a les manettes, tout ça qui fait bien avec le pack, les gars. Ouais, merci les filles. On vous laisse un petit peu discuter hors antenne, on vous embrasse les potos. Ouais. Merci, bisous les filles. Bisous. C'est quand même assez énorme, je trouve, dans les discussions entre mecs, ils s'appellent tous gros. Oui, c'est vrai. Ah, c'est bizarre, comme si je t'appelais grosse. Ah non, j'aime pas du tout. Mais c'est ce que je veux dire. J'ai une question pour toi. Ouais. Si ton mec, si t'en avais un, me détestait et que tu faisais une soirée, est-ce que tu m'inviterais Mais c'est évident, alors là. Ah, bah, merci, hein. Ça me rassure. Déjà, ce qui va se passer, c'est qu'on va partir en quête d'un mec qui te déteste. Ouais, voilà. Mais à mon avis, tu vois. Bon, grosse, reste avec nous dans un instant sur Fun Radio. C'est horrible ou pas sur nous? Ah, ouais. Oh, je déteste, quoi. On va parler Fionfion avec vous dans un instant. C'est Nicolas qui nous a envoyé un mail parce qu'il veut parler d'un truc assez drôle qui est arrivé avec sa meuf. Ils ont regardé un film coquin ensemble et du coup ils ont voulu reproduire le même geste sauf qu'ils ont cassé quelque chose. J'adore. D'assez important. Du coup, est-ce que ça vous est déjà arrivé de casser quelque chose pendant que vous faisiez l'amour? Appelez-nous 01 42 48 5000 et pour le son, et bah tout de suite, c'est quoi? C'est David Guetta, le tout nouveau découvert sur Fun Radio. I'm not afraid to David Guetta sur Fun Radio. Et d'ailleurs, la première fois que vous l'avez entendu, ce titre, eh ben, c'était sur Fun. On n'est pas peu fiers. Bah oui, bah ça, c'est tout le monde à douce. Voilà. Et s'il nous écoute, David, sache qu'on t'aime. On te soutiendra toujours. On te diffusera toujours en premier. Exactement. Et tu es bien sûr le bienvenu pour tailler une bavette. Voilà. Ou pour parler sujet cul, parce que c'est le moment. 23h42, on parle cul avec vous, la 01 42 48 5000. Et j'aime beaucoup le thème de ce soir. Ouais, c'est ça. On vous le disait il y a un instant, Nicolas a fait une petite soirée un peu coquine avec sa chérie. Oui. Ils ont regardé un film, ils ont voulu reproduire le même truc, sauf qu'ils ont cassé quelque chose. Raconte-nous tout ça, Nico Desbois. Oui. Ça va ? Bonsoir l'équipe. Oui, ça va, super bien. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais vous raconter ma petite histoire. Bon, on en rigole, j'en rigole maintenant, mais sur le coup. On a passé une petite soirée donc avec ma copine, voilà. Ouais. J'ai parti d'abord au restaurant tranquillement. Puis finalement, toi, je lui ai proposé une petite soirée avec un film. Puis donc film coquin, donc du coup, ben, elle a accepté. Ça fait combien de temps que t'es avec ta chérie ? Maintenant, ça fait un an et demi maintenant. Ouais, ok. Donc effectivement, ça se propose. Pourquoi ouais, pas cool. Donc un an et demi, pas de problème. Donc, me dis pas de problème, pourquoi pas. Donc, ce qui s'est passé, donc du coup, on est parti chez moi. Ouais. Tranquillement, voilà. Donc, on boite le film tranquillement. Et ce qui s'est passé, c'est que, donc c'est monté en température, comme on peut dire. Et donc. Qui est tout gêné, Nico, nous raconter ouais. Non, pas de souci, non. Je suis pas, non, de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Vas-y, vas-y. Public. Et donc. Et ce qui s'est passé, c'est que, donc, c'est monté en température, voilà, ben, préliminaire, tout ça. Et puis d'un coup, voilà, donc je défile le clic-clac, parce que c'est pas un canapé, donc j'ai un clic-clac. Et, est-ce que tu peux nous dire la couleur du clic-clac ? Le marron. Ouais, vas-y. Marrant, et ce qui s'est passé, c'est que du coup, préliminaire, ça a fini donc en levrette. Ouais. Et je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qu'il y a eu. Il y a sa jambe gauche qui est partie en arrière. Ouais. Sauf qu'on était un petit peu près de la baie vitrée. Oh ouais. Donc en fait, maintenant j'ai déménagé, donc c'était mon ancienne maison, donc il y a un mois de ça. Et en fait, sa jambe est partie en arrière. Et elle a cassé. Sauf que. Attends, il y a des détails encore. Vas-y. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, sa jambe gauche est partie en arrière d'un coup. Et malheureusement, donc c'était pas une baie vitrée en double vitrage. C'était du simple vitrage. Donc ouais. En fait, il y a sa jambe arrière qui est partie dans la baie vitrée. Oui, elle a cassé. Donc le carreau m'a pété, mais directement. Mais donc, attends, en fait, elle a pété le bas. Mais Nico, bas, elle devait avoir le pied en sang, non ? Oui, non, mais attends. C'est qu'en fait, au départ, non. Quand elle Nico, a tapé, non. Nico, mon chat, il faut que tu ailles quand même droit au but hein, dans ton histoire. Là. Parce que là, il y a donc, trop en fait, de détails. Le morceau est tombé. Et en fait, il y a le morceau. Donc du coup, le morceau. Elle a pété le morceau, le bas a pété. Alerte le info, d'après une étude scientifique américaine, il semblerait que nous subissions un moment terriblement chaud. Non, je suis pas d'accord. Non, Thibaut. Non, moi je suis à fond dans l'histoire. Vas-y. Oui, mais sauf après, il y a plus de détails. Mais... Et en fait, donc elle a pété le bas, mais c'est que le haut de la vitre. Comme c'est pas du nouveau vitrage, c'était de l'ancien mastic, ouais. On va dire. Donc en fait, il y a le gros morceau du haut qui est redescendu. Ah, donc. Et non mais ça a fini. Non mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fini à l'hôpital. Ah bah oui. Merde. En fait, le morceau du haut. Oui, oui, malheureusement. Le morceau du haut est redescendu sur ouais. Son mollet. D'accord. Ouh là là. Donc elle s'est ouvert le mollet. Donc elle a fini avec 10 points extérieurs et. En souvenir, elle a eu 3-4 points intérieurs. Alors ça, ça c'est une leuleu qui finit mal. Ça on peut le dire. Surtout que voilà, après avec ma copine, vraiment je peux avoir plus de détails si tu veux, mais on est bon. assez joueurs parce que bon Nico, je pense qu'en termes de détails, on est quand même pas mal. Ouais. On visualise la maison, les plans, les fondations. Ouais. Oui, mais après, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que juste le petit plus qu'il y a derrière. c'est que je suis pompier volontaire. Et on est très taquin de ce côté-là. Alors, donc, tu sais quoi, en fait, Bichon, final, Bichon. Attends, Nico. Non, parce que cette histoire a l'air passionnante. Alors, reste là. Je veux les détails, mais essaie de mettre ça de manière assez concise. Hein. Ouais. Dans un instant, la suite de l'histoire. Et surtout, vous, là, appelez-nous si vous avez cassé quelque chose en faisant l'amour. Un truc insolite, hein, pas forcément un lit. C'est trop facile, le lit. Ah non, qui veut casser un tibia. Voilà, n'importe quoi. 01-42-48-5000. On revient tout de suite avec la fameuse histoire de Nico, la plus longue de l'histoire. Votre téléphone commence à fatiguer. Vous voulez le nouvel iPhone 7? La seule solution, écoutez Fun Radio. Dès que vous entendez le double fun avec les tubes de Sound of Legend et Sac Noël, mixé à la suite. Soyez le plus rapide, appelez Fun Radio 3228. Et vous gagnez votre iPhone 7. Vous êtes les meilleurs! C'est le double fun sur Fun Radio. Elle est pas belle, la vie? 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio fun. Sur funradio.fr. Fun Radio. Le son dance floor. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Give up. sur Fun Radio. On parle des choses que vous avez cassées pendant l'amour. Là, si vous êtes un peu trop emballé, il y a un truc qui est parti. N'importe, une lampe, un truc un peu marrant. Appelez-nous 01 42 48 5000. Je voudrais juste saluer Clément Tiron sur Twitter qui a dit « Moi, j'ai cassé le cul de ma femme en faisant l'amour. Merci, tu m'as fait sourire. » C'est très sympa de ta part d'avoir mis ça sur Twitter, en tout cas. Bon, on a Nico ou pas qui est là? Ouais, Nico, il est toujours là. Oui. Alors, oui, Nico. Je finis vite fait. Donc, la fin de l'histoire, c'est que, voilà, vu ce qui s'est passé après, donc, j'ai pompier volontaire, en fait. Et, donc, on se confie pas mal de choses au niveau des pompiers. Mm-hmm. Et suite à cette histoire, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été très rigolo, parce qu'en fait, après, j'ai un surnom, c'est Deska à la caserne. Enfin, bref. Ah, okay. On va passer les détails. Ce qui s'est passé, c'est que deux jours après, je me suis retrouvé avec une baie vitrée. Ouais. Un morceau de baie vitrée dans mon casier. C'est drôle. Marqué, non mais vous allez rire. C'est qu'il y avait marqué le vrai être loupé, carreau cassé. Ah, le vrai être loupé, carreau cassé, pas mal. Bonne vanne. Ouais. Franchement, c'est ouais, vrai. Ça a été pas mal. Ouais. Qui a dit ça? Mais c'est un de tes potes. On m'a chambré pendant un bon moment avec ça, quoi. D'accord. Donc c'était, ça a été assez drôle, ouais. Ok. Bah, ils ont de l'humour en tout cas, mais toi, t'as pas peur de raconter tout ça à tout le monde là? Non, ça me dérange pas. Non, ça me dérange pas du tout. D'accord. Bon, écoute, belle histoire en tout cas. Merci d'avoir partagé ça avec nous, mon Nico. Et entre passe Yannick pas parce qu'il est mort de rire et je pense qu'il a très envie de partager ça avec toi. On t'embrasse, mon Nico. Ouais. Bisous. Okay, bisous. Ciao. Ciao. L'équipe. Ouais. Allez, c'est le moment de se confier un peu, soyez honnête. Est-ce que vous avez déjà cassé quelque chose chez vous en faisant l'amour, Anso, par exemple? Non, mais ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps de donner un coup de pied à Wacha. Quoi? Donc je ne l'ai pas cassé, évidemment, c'est mon chat, Wacha. Je ne l'ai pas cassé, mais elle était un peu sonnée, quoi. Mais ça, tu sais quoi, ça me dégoûte parce que ça veut dire que tu kennes devant Wacha, mais ça ne te gêne pas de faire ça? Non, ça ne me gêne pas, en plus, au contraire, elle essaie de participer, c'est plutôt cool. Oh mais non, c'est pas vrai. Mais c'est pas ça, c'est un chat, elle fait sa vie, la porte, elle l'ouvre, enfin, tu vois là, elle est là, et puis elle mate, quoi. Je sais pas, tu la tèges, quoi. Mais si qu'est-ce que tu veux faire? Bah, je sais pas, tu l'enlèves de la chambre. Bah oui, tu fermes la porte. Toi, t'as déjà cassé un truc? Juste un canapé lit, moi. Ah, vraiment bien bah cassé. C'est-à-dire qu'il y avait une latte, après une deuxième latte, et puis au fil des jours, le canapé était complètement mort. Ah, parce que tu faisais l'amour tous les soirs et que... Bah, mais je dormais dedans. Ah. C'était vraiment mon lit, donc j'avais un petit studio. Et du coup, l'usure, quoi. Cassé. L'usure, genre. Il y a Kylian à Poitiers qui nous a appelé. Bonsoir à toi, Kiki. Bonsoir les filles, bonsoir toute l'équipe. Salut. Ça va? Ça va et vous-même? Ouais, très bien. Est-ce que tu as déjà cassé quelque chose, toi? Oui, j'ai déjà cassé quelque chose. J'étais avec ma copine dans la douche. Mm-hmm. Donc, vous savez, les douches qui se ferment avec ces portes vitrées. Ouais. Et donc, elle était contre la vitre, et moi j'étais derrière, et en fait, elle a trop poussé avec ses mains, la vitre, elle a explosé, donc elle est tombée en avant, j'ai essayé de la rattraper, elle s'est ouvert les mains, elle s'est ouvert les genoux, et donc on a pété toute la vitre de la douche. Ça, c'était censé passer être un bon moment, puis ça tourne complètement mal. Hein. Ouais, mais surtout, la scène horrible, parce que tu vas à l'hôpital, t'es obligé d'expliquer le pourquoi du comment, j'imagine. Bah oui. Ah non, mais on n'a pas expliqué ce pourquoi du comment. Hein. Ah ouais? Bah comment elle peut tomber? Ah si, elle peut tomber dans la douche. Ouais. Oui, non, c'était toi, elle était toute seule. Moi, j'avais rien, donc... D'accord. Oh, moi, j'avais rien, donc j'ai laissé aux urgences toute seule. Le pire, c'est qu'on était chez ses parents, donc elle a expliqué ça aussi à ses parents dans ce sens-là. Elle était toute seule dans la douche. Mmh. Ah ouais. Oh, il faut jamais qu'ils apprennent ça, les pauvres parents. Le traumatisme. Non, j'espère qu'ils n'écoutent pas. D'accord. Eh bien, écoute, merci d'avoir partagé ça avec nous. Avec plaisir, les filles. Bisous, Kiki. Allez, salut, on t'embrasse. Au revoir. Amir, est-ce que t'as déjà cassé quelque chose, toi, pendant l'amour? J'ai déjà pété un lit et il y avait aussi une télé sur là. Oula, et comment t'as fait après alors? Comment t'as géré le truc? Bah, j'avais trouvé une technique, je suis parti au service après-vente. Ah ouais? Et t'es tombé sur Omar et Fred? Oh là là, mec, oh non, mais c'est pas possible. J'adore Omar et Fred, mais cette vanne, je te la prends pas. Ok, ouais, bon, pas il est payé lui ou pas? Non, mais sans vanne, je suis sûr que tu l'as fait, t'as vraiment été te faire rembourser. Ah oui? Et ça a marché? Ouais, je suis parti. Mais il te demande pas le pourquoi du comment aussi? Bah, en fait, si tu veux, la télé, elle est tombée sur le dos et l'écran n'était pas cassé. D'accord. Donc en fait, il y a un truc qui s'est pété à l'intérieur. Et vu qu'elle était encore garantie, on l'a déposée, on a dit on comprend pas, ça s'est arrêté tout. Comment vous pouvez faire des grands mouvements comme ça pour casser des télés, des trucs? Ça doit être hyper sportif, Je te montrerai une petite vidéo un jour, c'est plutôt pas mal. Enzo Bichon, ouais. Est-ce que toi t'as déjà cassé quelque chose? Toi je t'imagine pas, je t'imagine assez calme. Ouais, moi j'ai cassé une table déjà. Comment on peut casser une table? Bah, je sais pas, demande à ta sœur. Oh, punchline! Ouh là là, elle passe bien celle-là. Elle est bien celle-là. Oh non, ça fait mal. Amir, c'est pas ta soirée, Amira. Les sourcils, ta soeur, là. Non, c'est pas ma soeur. C'est un beau bordel. Il y a Fabienne du Havre avec nous. Bonsoir, Fafa. Salut toute l'équipe. Ça va? Ça va bien, et toi? Bah oui, très bien. Raconte-nous, qu'est-ce que t'as cassé, toi? Alors moi, j'ai eu une grosse galère de ouf. C'est qu'en fait, j'étais avec mon copain. On était vraiment excités, on va dire. On a un peu abusé. Moi, j'étais montée sur un meuble, en fait. Pour me prendre sur le meuble, en fait, et il y a eu un coup trop violent et j'ai cassé l'urne de ma grand-mère qui était juste à côté de moi. Ah merde! Et on était dans une galère, vous n'avez pas idée à quel point. Attends, c'est l'urne où il y avait ses cendres? Oui, oui. Oh là là! Oh, mais attends. On a pas ramassé des cendres, on a ramassé la poussière, on a voulu acheter notre urne et tout en vitesse avant que nos parents, enfin, avant que mes parents rentrent, mais vu les prix, c'était pas possible. Mais déjà, moi, je ferais jamais ça devant une urne, j'aurais l'impression de faire ça devant mamie, quoi. Ouais, mais parfois, tu l'oublies. C'est l'excitation, voilà, c'est fou, quoi. Mais surtout que c'est beaucoup, hein, enfin, c'est beaucoup de cendres hein, quand même hein, dans une urne. Bah, le truc, c'est qu'en plus, c'est tellement lourd, c'est que ça a pété aussi un carrelage en dessous, mais c'est la grosse erreur de ma vie. C'est surtout que moi, jamais je le ramasse. Enfin, je sais pas, c'est les cendres d'une personne. Mais qu'est-ce que t'as fait, Fabienne, du coup? Ça comme ça. Fallait quand même faire quelque chose. Bah, qu'est-ce que t'as fait alors? Le balai? Bah oui, que j'ai balayé, tout ramassé. Oh là là, et tu l'as dit à qui? Bah, je pense que mes parents sont rentrés, ils ont bien vu qu'au bout d'un moment, le carrelage était pété, l'urne n'était plus là. J'ai dû leur dire, quand, mais bon, j'étais quand même appelée au départ pour éviter. Tu leur as pas dit que c'était en faisant l'amour avec ton mec, quand même? Non, j'ai dit qu'en fait, moi, j'avais trébuché ou quoi, que j'étais tombée et je m'étais rattrapée sur le meuble et voilà. Ouais, c'est chaud. Ok, et ben, je pense que t'as la palme. L'urne avec les cendres, franchement, on n'aura pas pire. C'est vraiment dégueulasse à ramasser, c'est vraiment. Ouais, je sais. Merci. C'était un bel hommage à mamie. C'est ce que j'allais dire. Merci, franchement, d'avoir raconté ça. On t'embrasse, Fabienne. Merci à vous. Je vous fais de gros bisous, salut. Bisous. Big up. Thibault, à l'arrière, on t'a pas demandé, toi? Ouais, moi j'ai déjà cassé un truc, c'était mon ordi portable. Mon ordi portable, en fait, je l'avais genre posé sur mon lit, allongé dessus. Et on est d'accord, t'as les boules de ouf quand ça t'arrive ça. Ah, l'ordi, ça fait mal. Hein. Ouais, j'étais dégoûté. Mais bon, il était sous garantie, pareil, j'ai pu le faire changer. Ah, c'est vrai? Ouais. Ils t'ont dit ok? Bah, en plus, moi, je prends pas les formes, c'est-à-dire que je dis à Anna, bah voilà, j'ai fait l'amour avec ma copine, on a cassé mon ordi. Ah, tu l'as dit? Cool, elle l'a fait passer en garantie, ouais. Ah, elle est sympa, elle. Ouais, ouais, ouais, cool. Tu sais, parfois l'honnêteté, ça paye. Hein. D'accord. Ouais. Est-ce qu'on demande à Pépère? Ah, bah oui. Pépère, bichon. Il y a un truc que t'as cassé ou pas? Oui, bah oui, bah Pépère, il casse tous les jours des trucs quand il fait le sexe. Hein. Alors, c'est quoi, Pépère, le truc que tu as cassé le plus ouf? Bah, Pépère, le truc le plus ouf qu'il a cassé, c'est le cul de mamie, hein, c'était ça. Mec, te trash! Non, non. Ah, oui. Non, arrêtez, c'est trop de mamie en une soirée. Mais là, mec, pas une bien. Fois, j'ai cassé son dentier comme si c'est. Mec, arrête! Surenchère de ouf. Ah bah oui. Bon, mais je crois que ça va être le temps de dire bonsoir à Mikosé. Oui. Bonsoir à toi, Mikosé. Qu'est-ce que c'est que cette petite voix, Anso? Bah quoi? Bah c'est sa voix. Bah c'est ma voix. Non mais c'est ma voix de la meuf qui a envie de te demander. Est-ce que toi, la France s'interroge, est-ce que tu as déjà cassé quelque chose en faisant l'amour? Ah, elle a cassé plein de trucs, Miko. Ouais. Pas moi, mais une meuf cette semaine rapidement, oui. Ah, raconte. Qu'est-ce qu'elle a cassé? Un vinyle. Non. J'ai fait dédicacer un vinyle de Sting qui est passé RTL2 chez nos amis dans la semaine. Donc j'étais super content. En fait, je l'ai posé sur la table. Et bref, les lieux, enfin, on est passé du lit à plusieurs choses. Donc la table, effectivement, il y avait un peu de monde. Donc elle a voulu faire bien et genre débarrasser 2-3 trucs. Et donc le vinyle a explosé. Mais ça se casse un vinyle? Ah oui, bah oui. Ah oui, ça se casse bien. Ah elle devait avoir un sacré boule, hein. Mais non, elle l'a fait avec sa main. Oh la méchanceté, ça va pas, non. Et quand même, un vinyle, c'est solide. Mais et elle l'a envoyé valser. Oui, c'est ça. Ok, bon. Mais et tu sais qu'il y a peut-être. Il y a peut-être plein de gens qui vont. Ça m'a un peu vénère pour le coup. Il y a peut-être plein de gens qui vont casser des choses en t'écoutant ce soir dans Party Fun Deep. Bah c'est un peu du nettoyage de printemps. Faites un peu le ménage, écoutez Party Fun Deep et faites. Ah oui. Et faites l'amour. Je vais être le parrain, tiens. Exactement. Bon, Mikosé vous accompagne là jusqu'à 1h du mat pour Party Fun Deep. Nous, on a kiffé cette soirée avec vous. Franchement, c'était énorme. J'adore être le dimanche soir sur Fun Radio. Ouais. C'est un kiff. Avant, j'aimais pas les dimanches. Et ben, maintenant, je kiffe. Si vous êtes là demain, il faut que vous soyez là demain. Il y a Dylan Del Rey qui est notre invité. J'adore ce youtubeur. Ouais. Pour toutes vos questions, Marion et Anne sort au base de funradio.fr. Pareil, commencez déjà pour Amir, là. Vous nous demandez, il sera là le 25. Oui. Si vous avez des questions, c'est pareil. Oui, Amir, je parle pas de toi. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent, c'est marrant, vous recevez vous-même dans votre émission. Eh bien, non. Bah, écoute, si un jour tu veux venir en tant qu'invité, toi et tes sourcils, vous êtes toujours les bienvenus chez nous. Est-ce qu'il y aura, est-ce qu'il y aura assez de chaises pour tes sourcils? Et d'ailleurs, je vais voir les questions pour l'Eurovision l'année prochaine. Namir, tu peux t'inscrire. Ah, ouais. Pas mal. Merci, Miko. Toi, t'es un gentil chat, toi. Et celui qui vous réveille demain matin, bah, c'est Bruno dans la radio. Soyez là avec toute son équipe. Ils reçoivent Sopra demain. Sympa. Ouais. Sopra de Baba. Et nous, on se quitte en chanson, l'équipe. Vous êtes prêts? Est-ce qu'on était content d'être là? On était content d'être là. Merci beaucoup. Are you ready to go? Are you ready? jusqu'à 1h. C'est Party Fun Deep. Sur Fun Radio. Let's go. Party Fun Deep. Party Fun Deep. Avec Nico C. On Fun Radio. Party Fun Deep. Wow. Bienvenue la camaraderie, c'est Pépère en direct sur Fun Radio. Une heure de kiff, une heure de party Fun Deep. C'est uniquement sur Fun Radio qu'on se retrouve. Vous pouvez réagir sur le hashtag Party Fun Deep sur Twitter. Je lis tous vos messages. Et ce soir, on commence avec une exclusivité. Monsieur, et oui. Et vous savez ce que vous pouvez gagner grâce à Party Fun Deep? Vous pouvez gagner des t-shirts Miko si je t'aime et Oshoaya. Voilà. Bisous. Super, faut partir. Bienvenue tout le monde. En tout cas, Party Fun Deep saison 2, épisode 7, jusqu'à 1h du matin. Vous allez pouvoir casser des choses, je vous le garantis, vous faire plaisir. Avec le nouveau The Avener, avec Bakarmat, avec Cooks dans le premier quart d'heure. Il y a le nouveau Calvin Harris qui débarque aussi juste après un morceau que j'adore, c'est Tove Lo. Avec Cool Girl dans Monter le son, casser les trucs. Et le retour des filles demain à 22h. Ouais, oui, bisous. Bisous, bisous, bisous, Anso, salut. Ciao. Welcome on board. I knew how to put it romantic. Speaking my truth, there's no need to panic. No, let's not put a label on it. Let's keep it fun. We don't put a label on it, so we can run free. Yeah, I wanna be free like you. I'm a cool. To wake up or trace the plumb line to your death. but it's love then. But you drive a dead deer by its horns from the passing lane, just to drive home, either to arrive or to escape, not to save someone. Purchasing a flight to an old lock town.